Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 102. J'espère que tout le monde va merveilleusement bien. Et j'ai ma première invitée. Salut! Allô! Martine, ça va bien? Oui, ça va très bien. Drôle de situation, on est comme assis dans mon bureau devant mon ordinateur. Fait que c'est ça, dans le fond, j'en avais parlé depuis un bout, là, que je voulais que tu viennes sur le show. En fait, des invités, j'en ai pas vraiment eu. J'en ai eu au début, genre les 5 premiers épisodes quand je faisais avec Michael et Eric et tout ça. Puis après ça, je me suis mis à faire ça seul, ce podcast-là, parce que c'était plus simple. Et puis, je vois qu'il y a des gens qui ont écrit « Enfin, des invités! » Parce que, ouais, c'est juste qu'on est le matin, hein, là, comme... Ben, attends, faut pas que je brise la routine. On est vendredi matin, le 10 juin, voilà. Et puis, on fait ça le matin. Donc, Martine est arrivée au bureau très tôt. Ouais, j'ai même pas snoozé pour être ici assez tôt. C'est ça, en plus, hein. Puis, il y avait pas de trafic, fait que t'es arrivée ultra tôt. Ouais. J'espère que tu as travaillé pendant ce temps-là. Ah oui, c'est sûr! Fait que, ben, on peut peut-être commencer simplement par te présenter, en fait. Ben, je te laisse faire. Là. Ben, je peux. Je te présente. Ben, je peux me présenter, écoute. Donne-nous ton pédigree, là. Mon pédigree, pas grand-chose. Parce que, aussi, pendant que tu parles, je peux boire du café. Te réveiller un peu. Exact. Ben, justement, je m'appelle Martine Bisson, en fait, mon vrai nom. Tout le monde pense que je m'appelle Martine Tilburg, mais non, ceci est un faux nom. Je fais partie de la vie secrète des Geekettes, où on parle de plein de produits de la culture populaire. Moi, c'est sûr, je parle principalement de jeux vidéo sur ce podcast-là, mais on parle aussi de BD, de films et autres. Ça fait combien de temps donc, que tu participes à ça? Parce que le podcast il existe depuis longtemps. Là. Fanny qui a parti ça, je m'en rappelle plus quand. Ben, on vient de fêter les 5 ans là, en septembre, là, quelque chose comme ça. Okay. Puis moi, ça fait un peu plus que 3 ans. Fait que ah, quand même! Ça fait plus longtemps, je pensais. Ouais, comme là, on vient d'enregistrer l'épisode 92 hier, puis je suis là depuis les 40 que. OK. Sur le show. Puis j'avais repris l'animation aussi quand Fanny était enceinte. Donc ça. Et depuis octobre, ben, directrice générale chez Rétro Montréal. Exactement. Puis on aura l'occasion d'en parler, I guess, parce que dans le fond, on n'a pas tant de plans de match. Bien sûr, vous m'avez entendu parler sur mon podcast et à Rétro Nouveau du défi qu'on s'est lancé. Martine est prête avec son post-it. Elle a des notes. Et puis, on va parler de ça. Puis sinon, ben, on a demandé aux gens s'il y avait des questions, tu sais. Fait que c'est ça. Mais là, tu sais, on peut parler de comment est-ce qu'on se connaît, tout ça. Mais je me demande si ça va. Tu sais, c'est-tu déjà tout dans les questions? En fait, on peut peut-être juste commencer par ça, vite fait. Puis, si c'est une question plus tard, ça sera déjà répondu. Parfait. Donc, nous, on s'est connus. T'étais venu. En fait, t'écoutais Rétro Nouveau, c'est ça? Et puis, t'as osé venir à une de mes soirées sur Frontenac. Donc, avant qu'on ouvre Arcade MTL, on avait un projet d'arcade. J'en ai déjà parlé dans mes podcasts. On était sur Moreau, et puis la rue Moreau à Montréal, dans Hochelaga. Puis avant ça, dans Centre-Sud, sur la rue Frontenac. Puis je louais un petit 1,5, puis on a commencé à bâtir le projet-là. C'est comme la genèse. Fait qu'il y avait des soirées que les gens étaient invités. Ben, à toutes les deux semaines, le jeudi, il y avait une soirée. Donc, les gens venaient, payaient un prix d'entrée, jouaient aux arcades, aux consoles, puis on buvait de la bière, apportaient votre alcool, et puis c'était ça. C'était après, dans le fond, les soirées Funzo au centre-ville. Ça, t'es pas venu, hein? Non. Mais tu savais que ça existait? Non. Ah non, t'avais. Non. Quand, fait que t'as comme découvert Rétro Nouveau après ça? Ben, j'ai découvert Rétro Nouveau à cause que je suivais Bruno à Monsieur Net. OK, OK. C'est ça. Comme j'aimais beaucoup Bruno et Monsieur Net, j'ai commencé à écouter Rétro Nouveau. Puis là, ben, on était en voyage, je me rappelle. T'avais dit, je vais faire ma première soirée arcade. Puis c'était pendant que j'étais en vacances. J'étais comme, je peux pas croire que je vais pas être là à la première. Puis là, il fallait s'inscrire. Oui. Puis j'avais pas de données sur mon cellulaire. Fait que là, je pouvais pas être là comme à midi quand c'est les ouvertures. Là. Fait que là, j'étais comme, François, absolument là, à midi. Là. Puis là, je le textais là, pour être sûr d'avoir ma place là, à la deuxième soirée de l'arcade. C'est vrai, c'est vrai. François étant ton mon fabuleux conjoint. Époux. Exact. Voilà. Oui, parce qu'effectivement, au début, on voulait avoir contrôlé le nombre de personnes, justement, parce que c'était pas grand, tu sais. À la fin, on faisait plus ou moins ça, mais ouais, il y avait comme une liste d'inscriptions, dans le fond, au début. Fait que t'es venu avec François. Ouais, la première fois avec François, une ou deux fois, là, parce que je suis trop gênée là, pour y aller tout seul. Puis après ça, j'ai commencé à y aller avec mon ami Guillaume, puis après ça, j'ai commencé à y aller tout seul des fois, ou souvent avec un ami, quoi que ce soit. Quoi. Voilà. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que tu t'es apparu dans le cercle de notre gang d'amis, puis que t'es devenu ami de tout le monde. Voilà. Facilement identifiable. Il n'y avait pas grand-fille dans non, ce non, c'est ça. D'ailleurs, on faisait une promotion dans le temps. Un moment donné, on faisait, parce qu'il y avait un prix d'entrée, mais on faisait gratuit pour les conjointes, tu sais. Comme c'est ça. Pour avoir plus de filles. Les filles payaient pas, on voulait transformer cette partie de manche-là en partie régulier, tu sais. Mais Martine tenait mordicus à payer son prix d'entrée. Il n'était pas question que cela se fasse. Fait que, effectivement, ça pouvait peut-être sonner un peu sexiste dans le temps. Mais c'était pas l'intention, mais ça marchait quand même, ça a fonctionné, c'est mis à avoir plus de filles. Fait que ça, c'était plaisant. Mais merci de ton support depuis tout ce temps. Ouais, mais j'étais comme, non, c'est François qu'il faut qu'il paye, c'est lui qui joue pas, t'sais. Il faudrait qu'il vienne gratuit, en fait, c'est lui qui jouait. Ben moi, du moment que j'ai mon argent, hein, ça peut être n'importe qui. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, ben voilà, t'es présente depuis ce temps-là. Ça fait, donc, 8 ans, le bord, ouais, ça fait 8 ans-ish, là, à peu près, donc ça fait un bout de temps. Et puis, vu que t'es de tous les partis, souvent, ben, on était au parc dernièrement pour fêter le Fred. Ouais. Et puis, il était rendu pas mal tard, on avait bu un peu. Puis là, ben, on va parler de notre défi qu'on s'est lancé cette fois-là. Là, moi, j'ai dit ma version. Martine veut dire sa version, là. Oh oui, parce que là, il y a eu beaucoup de ta version des faits. Puis pas... moi, je trouve qu'il n'est pas 100% accurate. Fait que là, c'est mon moment de dire la vérité. Oui, oui. Parle. Moi, je vais boire. Oui, c'est bon, ça. Non, en fait, tu l'as bien dit, par contre, au dernier épisode, on s'était pas vraiment entendu sur les règles. Parce qu'on était un petit peu trop chaud puis on s'écoutait plus vraiment. T'sais. On faisait plus s'ostiner que s'écouter. Puis là, on a demandé à nos amis, tu sais, par après, genre, c'était quoi les règles finalement? Tout le monde n'écoutait pas vraiment, puis était chaud, fait que personne n'est capable de nous dire vraiment c'était quoi. Mais une chose est certaine, moi, si je t'ai dit finir Donkey Kong, c'est sûr que dans ma tête, ça veut dire 100%, 1%, parce que sinon, c'est pas finir un jeu. Puis là, je t'écoutais à Rétro Nouveau, je suis comme, Chris, t'as rien vu de jeu, là. Parce que là, premièrement, il y a une différence entre Diddy puis Diddy. Oui, ben dis-moi-le, c'est quoi la différence? Diké, étant plus lourd, peut frapper sur le sol. J'ai jamais fait ça. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Puis des fois, il y a des bananes qui sortent, il y a des choses qui sortent. Ah! Mais tu sais, des fois, il faut arriver de super haut pour tomber sur un spot précis, puis il y a une affaire qui part. Ouais. Mais si je suis pas super haut, je peux-tu taper, puis ça va sortir? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au premier, je pense que dans le premier, non, tu peux pas. Ok, ok. Mais éventuellement, comme sur la Wii, tout ça, là, tu peux juste comme taper, mais il faut Donkey Kong. Caline, je ratais plein d'affaires. Ben oui, puis aussi, Diddy, il rebondit un petit peu plus haut, il est comme moins lourd. Fait que les bouts de platforming, de jumping, c'est toujours mieux de prendre Diddy. Ok. Puis comme tu dis, par contre, lui, il frappe pas les gros ennemis. Fait que les bouts, il y a des gros ennemis, t'es mieux de prendre Donkey. Parce que là, ça, je sais pas si tu sais, mais tu peux les flipper quand tu veux. Tu disais qu'il était là comme deuxième vie, mais je suis comme, tu sais que tu peux les flipper. Ouais, ça, je le savais. Okay. Là, pas d'animaux, voyons. Le rhino, il est dans je sais pas combien de niveaux. Il faut le trouver. J'y ai repensé par après, puis ils doivent être toujours cachés, là. Oui. Et moi, j'ai juste comme pas briser les niveaux, puis comme je les ai jamais vus parce qu'ils sont dans des boîtes à des places. Mais tu prends souvent, faut prendre un baril, tu casses l'entrée d'une caverne, puis ils sont dedans. Fait que finalement, t'as rien vu. Mais ils sont dedans, mais tu sors pas avec pour faire le niveau, non? Ouais, ça dépend. C'est comme bonus, c'est une chose, là, mais comme faire un niveau avec un bonus. C'est vrai qu'il y en a moins dans le premier quand même que dans le 2 et 3. Mais... finalement, il faudrait que je me retape les 3 et que je te dise toutes les différences. Ouais, c'est ça. Fais ça. Je ferai les 3 Castlevania pendant ce temps-là. Mais j'ai vu, par exemple, du gameplay, en effet, à Rétro Nouveau, justement, pendant qu'on en parlait, l'autruche dans le blizzard, le niveau plein de blizzard. Ah oui, faut que tu viennes dans l'arrière. Ouais, c'est ça, la personne faisait tout le niveau en autruche comme ça, j'ai juste vu cette autruche-là une fois dans ma vie, fait que... Oui, mais ça, c'est parce que tu connaissais pas le truc de la roulade. Parce que pour atteindre cette autruche, il faut que tu roules dans le trou, que tu ressortes. Exactement. Sinon, tu peux pas te rendre. Exactement. Je savais pas ça non plus. Tu me l'as appris après. Donc, tu peux rouler, puis là, quand tu es dans le trou, tu bounces dans le vide, dans le fond, comme un jump. Ouais. Ben, je trouvais ta chronique sévère parce qu'il y a plein de. Tout le monde qui a aimé le jeu-là trouve ça très sévère. Oui, ben, c'est parce que c'est dans le jeu, c'est juste que t'étais pas assez bon pour le découvrir. Pas assez patient, c'est pas pareil. Non, mais mettons qu'on dit qu'on a grandi avec ce jeu-là, tu sais, c'est clair. Mettons que tu l'as. T'es un enfant, t'as ce jeu-là. C'est sûr que. Le jeu que j'avais avec ça. C'est ça, c'est sûr que t'as joué à ça, là, 100 heures, là, pour. Tu sais. Mais c'est ça, moi, j'ai. Mais c'est vrai que ma critique n'est pas compte du fait assez que comme je suis allé trop vite pour faire ce jeu-là, puis que j'ai raté. Des affaires. Mais je te laisse parler. Mais non, mais c'est correct. Fait que pour moi, quand tu as dit j'ai le temps de le faire 3 fois avant que tu fasses Castlevania, ça comprenait 3 fois à 100%. Ouais, pas 303%, là. Là, il y a eu une mésentente aussi sur les save states. Parce que... Ouais, mais attends, pour le 3 fois, on s'entend que c'était pas vraiment ça. Mais non, on s'en fout, ça, on s'en fout. Il n'était pas question que je le fasse 3 fois, puis tu sais, c'était comme juste... dire une affaire de gaucho, là. Dans ma tête, même si je disais, je le fais 3 fois, pendant que tu fais 2 fois, c'est genre, on le fait chacun de notre bord, une fois, puis c'est ça. Non, mais ça, on a convenu cette nouvelle règle. On s'en fout du temps, l'important, c'est qu'il faut juste chacun le finir. Okay. Exact. Ah ouais? Ouais? Ben, c'est ce qu'on avait dit, non? Ben, je sais pas. Moi, je pensais... Bon, la merde repart! Ben, ok, ouais, mais 3 fois, non, mais je me disais, moi, c'est comme, ish le même temps, là, mais c'est vrai qu'on n'a pas convenu d'eux. Ben, qu'est-ce que tu veux dire, ish le même temps? Non, non, mais que ça me prend autant de temps à finir Castlevania que moi à finir dans quelqu'un. Ah, oh, mais c'était pas. T'avais dit 3 fois, là. C'est ouais, c'est dit, ça. C'est pas possible, là. Non. Regarde, je vais le finir. Oui. On verra, ça m'a pris combien de temps. Mais de toute façon, l'important, c'est juste qu'on soit tous les deux gagnants et qu'on réussisse le jeu. Si tu le fais pas à 101%, ça peut me prendre plus de temps que toi. Là. Save state. Il y a eu une mésentente. Parce que moi, j'ai demandé à Dominique de me prêter sa cassette, mais il a trop peur que je la brise. Fait que j'ai été obligée... C'est parce que c'est la version 1, 5 screw, rare, là, 1-1-1. Fait que t'es conscient que tu me fais confiance avec ta business, oui. Mais pas avec une cassette. Totalement. Moi, je te mets toutes entre les mains, mais pas mes cassettes. Tu me laisserais-tu garder tes enfants? Oui, je pense que oui. Là. Surtout qu'ils se gardent tout seuls, pas mal. Fait que t'aurais pas besoin de faire grand-chose. Je serais pas inquiet. Fait que j'ai pris la collection Castlevania sur Switch. Et là, moi, quand on a dit pas de save state, je pensais que c'est à eux de leur faire, tu sais, de A à Z au complet sans les save states. Je pensais pas que j'avais pas le droit de me pratiquer. Mais là, faites-vous-en pas, on a reconvenu de cette règle-là, j'ai juste pratiqué 2 petits bouts au début du jeu, là je le fais à la dure. Et non, je n'ai pas encore terminé, je suis dans le Château Blanc, qui est l'avant-dernier niveau, et je suis dans la section 3, puis là j'estime que j'ai envie de faire un save state. Ouais, c'est quoi que tu jammes là? C'est comme, mais ça doit être vraiment, vraiment proche du boss de la fin, là, parce que je suis quand même loin dans la section 3. C'est le corridor qui va c'est à gauche. C'est le corridor qui va à gauche avec les chevaliers qui te pitchent des haches, là, puis les petits oiseaux qui font ça comme ça. T'as-tu ton eau bénite? Ça, on va reparler. Crinqué à 3. Et crinqué à 3. Hey, non, j'ai tellement fait ce niveau-là, je pense que j'ai trouvé tous les poulets, tous les crinquages, j'ai tout, là. Ça, je suis convaincue, puis j'arrive là à 100%, pas touché, genre full énergie, puis je passe pas au travers. Fait que, c'est je pourrais te donner un truc pour les chevaliers. Ben oui, donne-moi un truc. Ben, je te le donnerai là. Tu sautes vers lui en lançant une eau bénite dans les airs. Fait que l'eau bénite, parce qu'il recule quand tu avances vers eux, oui, là, ces hosties-là. Oui, oui. Et puis là, quand tu vas lancer ton eau bénite, elle va atterrir devant lui. Puis là, toi, tu recules, puis il va avancer dedans. Puis là, il va pogner dedans, tu sais. Fait que là, ça va gruger. Mais faut que tu sautes. Tu sautes vers lui, parce que quand tu sautes, tu prends de l'avance sur son reculage. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sautes vers lui, genre pour être proche de lui, tu lances un eau bénite dans les airs, puis elle va aller plus loin. Puis après ça, tu recules, puis il va avancer. Ouais, parce que là, j'y lance, puis là, je recule, puis là, je me mange un oiseau en pleine face. Non, mais ça, les oiseaux, faut que tu copes là, avec, t'as pas le choix, là. Mais toujours est-il que. Moi, c'est le même que je les tue, c'est ceux-là. Tu sautes vers eux en lançant un eau bénite dans les airs. Fait que ton eau bénite, elle va presque sur lui déjà, anyway. Fait que tu l'atteins avec ça, puis arrête de reculer parce qu'il gruge dedans. Mais c'est pas l'envie qui manquait, parce que je suis comme, là, ça fait genre 15 fois que je me rends full énergie, genre... Full vie, full énergie. Oui, ouais. Là, je suis comme, est-ce qu'il me semble que je devrais avoir le droit de me faire un sex tape, là, mais je t'avais promis. Non, on n'a pas le droit. Non, c'est ça, moi. C'est ça, je t'ai promis que je le ferais pas. Je le fais pas, mais c'est pas l'envie qui manque. Parce qu'il faut finir, parce que c'est pas long, ce jeu-là. Moi, dans l'entente, c'était dans ma tête, c'était tu le fais nature, parce que tu le fais comme tu le fais quand t'avais la cassette, quand t'étais petit, tout comme Donkey Kong Country. Anyway, tu sais, il y a des saves dedans, c'est une génération plus vieille. Mais tu peux saver, comme je te disais, puis tu le fais entre les niveaux là, fermer le jeu. Là. Tu peux saver là où, quand tu meurs, tu reviens normalement. Mais tu peux pas saver pour te pratiquer. Parce que ça fait partie du jeu de se pratiquer pour le réussir. Cela dit, en passant, tu as fini Ninja Gaiden 1 et 2? Oui. Bon. Fait que, non, pas le 1. Non, c'est 2 et 3. 2 et 3. 3? Oui, mais on a fait la version japonaise. Ah, OK, qui a toujours des continues. Quand même un bel exploit. Donc, mais le 1, je me suis pas attaqué encore. OK, ben il est pas si pire, là, sérieux. Fait que si t'as fait Ninja Gaiden, tu sais, puis tu meurs beaucoup à la fin, là, t'es capable de faire ça, là, tu sais. Fait que comme tu dis, t'arrives là, full. Oui. Plein de live, oui. Plein de tout. Oui, parce que je connais tout le reste par cœur. Exactement. Fait que là, ça, à un moment donné, ça va être une formalité. Là. Mais OK, continue. Fait que je vais passer au travers. Là, la deuxième, OK, l'autre affaire que je veux dire, c'est pas de l'eau bénite. Parce qu'avant de commencer le jeu, j'ai lu le manuel. Okay. J'étais allée télécharger le manuel parce que tu me disais, là Martine, je vais te donner un seul truc, garde ton eau bénite, garde ton eau bénite. Là, j'étais allée lire dans le manuel, c'est quoi chacun des power-ups. Là, je suis comme, tabarnak, il n'y en a pas d'eau bénite. Mais là, mais je veux dire, j'ai déjà vu le jeu, tout ça, je suis comme, clairement, c'est le Firebomb. Fait que ça s'appelle Firebomb dans le manuel d'instruction. Je tiens à le préciser. Je pourrais te le montrer après. Je l'ai encore téléchargé. Ça s'appelle pas Holy Water? Non, ça s'appelle Firebomb. Fait que là, je me suis dit, ah, c'est peut-être parce qu'ils ont deux couleurs différentes. Il y en a un, mettons, qui va être en bleu, puis l'autre va être... Non, c'est juste, il n'y a pas de Holy Water dans Castlevania. OK, ben, ouais. Mais en même temps, facile à deviner. Oh, oui. T'étais pas de perdu quand mais je non, te disais. Non, puis j'avais déjà vu quand même un peu de gameplay du jeu, là. Mais c'est le fun de lire ces vieux livrets-là, parce qu'en effet, tu sais, c'est des bonhommes dessinés tout croche, puis avec des descriptions niaiseuses, c'est très intéressant. Fait que, ben, je vais le finir, puis on vous tiendra updaté de quand que je réussirai ça, mais il faut que je sois en forme quand même, là. Les journées que je suis fatiguée... Ouais, non, c'est ça, c'est un jeu, effectivement, là, quand faut... Café, lucide, tu sais, fin de soirée, c'est le jeu tough, ça. Ouais. Mais là, ça fait combien de temps que tu joues, à peu près? Hein? Parce que tu minutes-tu cela? Oui, en regardant le temps de jeu que tu as mis sur l'application. Je pars un chronomètre sur mon sel. Regardez comment Martine est sur la coche. Fait que j'avais fait 1h10 avant qu'on se parle que j'avais pas le droit de faire les save states. Puis là, j'ai reparti du début, ma game. Fait que depuis que j'ai reparti du début, j'ai fait... 40 minutes, 1h10, puis 1h. Fait que 3h. 3h. Puis moi, je suis à 3h42. On peut le voir ici. 3h42 pour 62%. Parce que j'étais à 51%. Là, je suis d'accord que c'était trop peu, quand même. Là. Puis je savais, moi, j'étais juste comme, faut que je finisse ce jeu-là au plus vite. Fait que là, tu m'as permis de faire le code Barrel oui. Pour commencer avec 50 vies, code que je n'avais pas utilisé, puis je ne savais pas. Moi, j'ai pas regardé rien, j'ai juste commencé. Fait que c'est ça. Fait que je me suis mis à me pitcher dans des trous, là, des affaires, mais là, ça me tente plus beaucoup. Mais non, mais c'est correct. Ça va faire 4 heures que je joue à ça, puis c'est beaucoup, pour je pense, pour ce jeu-là. Puis là, c'est juste l'exploration aussi, surtout, fait que ça me tente moins. J'ai le goût, je vais checker si ma batterie est encore en vie. Genre ma partie de quand j'étais jeune est encore là. Check ça. Combien de temps ça va briller, ouais, ça serait drôle. Ouais, je vais booter ça, voir si la batterie est pas bas. On le souhaite. Fait que c'est ça, donc tout le monde est content, il n'y a pas de perdant, il n'y aura pas de perdant, il y a du respect pis tout. Puis, tout est clair, fait que c'est ça. Il reste juste toi à terminer, puis ça va venir. Là. Le dernier niveau qui te reste, il est rapide. Violent, mais rapide. Comme je te dis, t'as un long pont à traverser avec des grosses chauves-souris, puis après ça, c'est des petits bonhommes qui bouncent un peu partout, là, avec des oiseaux qui... Genre les monkeys, là? Ouais. À travers des engrenages puis des escaliers. Mais ce bout-là est court, tu sais. Mais c'est le seul bout du jeu... Puis j'ai joué beaucoup à ce jeu-là. C'est le seul bout du jeu que par cœur, je sais jamais où aller exactement, tu sais, pour passer au travers, parce que je fais jamais la même affaire. Genre. Fait que, tu vois, je devrais me safe state là pour l'apprendre comme il faut, ce bout-là, parce que sinon, je meurs pas dans le jeu-là, sauf là. T'sais. Mais ouais, Holy Water, craignait 3. Firebomb. Oui, puis quand Death va arriver, quand finalement Death va arriver, tu voudras pas mourir parce que là, ça fait tellement de fois que tu recommences, le corridor se rend. Mais ça, tu m'avais déjà dit là, que d'envoyer puis il va freezer là. Il va popper à droite, sur la plateforme en haut à droite. Tout de suite, quand tu arrives puis tu vois que le boss, ça va commencer, revire-toi puis commence à mettre de l'eau bénite sur cette là. Il va atterrir dedans, il va descendre comme dedans. Comme un cave. Puis comme un épais, puis il va rester là, dedans, tout le long. Fait que pour ça, il faut tailler ton 3 aussi, sinon tu le feederas pas ton feu assez, il va décoller, il va s'en aller. Puis tu peux le... J'ai déjà réussi à faire def au couteau puis au fouet. Mais... C'est l'enfer, c'est l'enfer. Au boomerang, tu lances des boomerangs, tu sais, comme il fait des fossés partout. C'est un beau bordel, c'est un beau défi. D'ailleurs, moi, j'avais voulu essayer, tu sais, vu que je connais ce jeu-là, un nouveau défi qui est de le faire aux fouettes à la soie dentaire, comme j'aime dire. Ben, pas de power-up de fouette, pas d'armes secondaires, juste petit fouette bébé tout le long. Mais il faut dire qu'à date, il n'y a aucun boss que j'ai pris l'eau bénite. Non? Ben non. Genre... Même pas Frankenstein? Parce que tu l'avais pas rendu là. Dracula, j'ai pris les haches. La chauve-souris? Ouais, la chauve-souris, ouais, j'ai pris les haches. Après ça, la méduse... Moi aussi les haches quand même. Là. La méduse, j'ai pris le clock là, qui le freeze, puis je l'ai fait au fouet. Ah ouais? Je savais même pas que ça freezait. Puis je l'ai fait au fouet avec ça. Après ça, les momies, ben... touche pas comme des épaisses, là, tu peux fouetter en haut. Là. Mais toi, tu restais-tu sur le bloc, puis t'es fouetté, tu remontais quand il venait proche. Ouais, c'est ça. Quand t'arrives tout nu, pas armé, c'est la façon de le faire. Puis Frankenstein, ben j'ai joué le tout pour le tout. Je suis comme, je vais fouetter plus vite qu'il me touche. Mais. Putain. Je l'avais réussi à m'amener, puis il y a une balle de feu qui est venue me toucher. Je suis comme, non! Ça, c'est tout recommencé. Fait qu'à date, j'ai pas fait aucun boss avec le Benito. Fais ça à la dure. Mais comme Megaman, je le fais juste au petit gars. Ouais, moi aussi quand même pas mal. Parce que c'est trop de gestion, hein. C'est une crise de gossage. Je veux pas changer tout le temps. Je suis d'accord. Bon, mais écoute, c'est parfait. Donc maintenant que cela est tiré au clair, t'as un peu, j'ai rien que voir ici. Non, je vais checker ça plus tard. Ça serait pas un vrai Papa Cassette podcast si tu checkes pas tes messages. Non, excuse-moi, là, c'est impoli. Bon, alors ici, j'ai les commentaires des gens qui ont posé des questions. Alors, notre ami Nick Chalifou demande, question pour Martine, comment est Papa Cassette dans la vie et comment gestionnaire? Et comme gestionnaire. Ouais, comme ENT, Nick, Steve. Mais attends, je veux... Ah, ben, je veux dire que c'est parce que c'est un running gag. C'est pour ça que Nick a mis ça. Parce que j'ai dit que depuis que je travaille ici, 100% des gens, c'est la première question qu'ils me demandent. C'est « Ouais, mais Dominique, lui, il est comment au quotidien? » Exact. Ouais, dans le fond, comment je suis au quotidien, j'imagine que c'est ça. Je veux juste voir. Comment tu fais la distinction entre amis et gestionnaire à vous des moments? Parce que ça, c'est une question qui va revenir, qui revient beaucoup, là, dans le fond. Fait que, ouais, ben, I guess. Comment je suis dans le quotidien? Suis-je la même personne que tu pensais? Ben, oui. Oui, quand même, mais, tu sais, pour moi, il y a comme deux Dominique. Ouais. Celui en forme, celui fatigué. Mais au niveau. Ouais, ok. Ben, c'est ça. Mais quand t'es en forme, c'est exactement ce que je m'attendais de toi. Là. Genre, tu sais, tout le temps vouloir foncer, faire plein de projets, là, comme clencher des affaires, comme toujours en demander plus. C'est ça, c'est ce que j'imaginais. Quand t'es plus fatigué, là, t'es un peu plus babou, faut prendre un peu plus à la légère. Ouais, mais je suis pas non plus genre. Je veux dire, je suis parlable. Mais oui, t'es quand même parlable. T'es quand même parlable, mais on peut faire un peu moins de jokes. Ah non, faites des jokes. Je suis moins performant, peut-être, là, je dirais, là, mais ouais. Ben, c'est ça, hein. Je pense pas que je suis comme un char qui avance tout le temps à 80, là, dans une zone de 80. Ouais. Des fois, je peux aller à 120, des fois... 80. Puis t'es quand même plus sérieux que t'sais, sur ton show, là, c'est normal. Là. Mais tu vois? Moi, une joke salace et j'en ferais, là, mais on a des employés, faut que je fasse attention. Mais tu vois, moi, je pensais pas qu'il y avait qu'une genre de différence était perceptible. Tu sais, moi, quand je fais ça, là, tu sais. Puis je pense pas que je dis des affaires sur le show que je dis pas dans la vraie vie. Non, ça, non. Non. D'ailleurs, moi, je suis comme un livre ouvert. Hein? Puis Martine est un livre fermé. Donc, c'est très différent. Là. C'est très différent comme personnalité à ce niveau-là. Mais, ouais. OK. Puis, Guillaume Lemay ici qui dit « Comment faire la distinction entre amis et gestionnaires? Avez-vous des moments purement amis hors des heures de travail? » Ça, oui, comme on a dit tantôt. « Ou bien les sujets de job reviennent toujours? » Ben, les... La job revient toujours. Toujours, en effet. Mais avant que tu travailles ici, de toute façon, tu travaillais pas ici, fait qu'on parlait pas de ici. Ouais, mais je dirais qu'on parlait quand même beaucoup de job, parce que, tu sais, souvent les fins de party, on parlait tout le temps, tu sais, de tes projets. Des fois, tu me posais des questions. « Hey, Martine, tu sais, tu fais ça, tu sais, chez Whitman. » Des fois, on en parlait, je te donnais des idées, on parlait d'argent, on parlait de gestion. Fait que même avant que je travaille ici, on parlait quand même de job. Ouais. Ben, t'es aussi devenue un peu la confidente du groupe, là. tout le monde de la gang se confie. Ouais. T'es une bonne oreille. Donc, on a besoin de ça, I guess. Puis, oui, le travail en général revenait. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ton travail. C'est quelque chose que tu es à l'aise d'expliquer, ce que tu as fait comme parcours oui, avant d'arriver oui, ici. Comme oui. Ça, les gens vont savoir un peu. Ouais, ben j'ai commencé, j'ai fait mon bac en administration, puis j'ai commencé comme aux approvisionnements chez Loto-Québec, donc j'achetais... S'approvisionner en argent? En argent, ben, non, mais beaucoup de services, tu sais, des contrats d'agence de pub, entretien ménager, on avait les casinos aussi, fait que j'ai fait un appel d'offres pour de la mayonnaise en chaudière, on faisait des tests de goût, comme on ouais. Achète de tout, ben, pour le restaurant des casinos. Oh my god! Fait que là, okay. On testait genre en sauce tartare, dans des. Puis là, on faisait des tests à l'aveugle, puis on donnait des points au goût de la mayonnaise. Hey, c'est-tu malade? Même chose pour les jus. Oh, oui, non, c'est fou, là. Comme nomme-moi n'importe quel bien service, je l'ai acheté. Tu sais, on a fait un appel d'offres pour une montgolfière, pour un chauffeur de montgolfière, là, pour aller au festival. Là. Ouais. Fait que ça, c'était cool parce que pendant 5 ans, j'ai appris sur plein de sujets, tu sais. Mais secteur public, c'était dur pour quelqu'un qui aime ça quand les choses avancent. Exactement, parce qu'on se souvient que ça appartient au gouvernement, ça, l'Auto-Québec, alors qu'il dit gouvernement, dit « servir pas sur un 10 cents », donc ouais. C'est long avant de voir de l'évolution. Puis il dit aussi que prochain à avoir la promotion, c'est le plus ancien, donc j'aurais pas pu avancer avant genre 20 ans. Oui, fait que, c'est ça qui est difficile, ouais. Le secteur public aussi. Hein. Ça peut pas récompenser nécessairement la performance, il y a comme une hiérarchie ouais. De syndiqués, tout, puis... J'ai demandé de changer de département, tu sais, j'étais tannée, je voulais faire autre chose, puis ils m'ont dit, ben soit que tu remplaces un congé de maternité, puis après un an, t'as plus de job, ou tu recommences à l'échelon 1, puis je t'ai rendu à l'échelon 12, là, ça va, tu sais. J'ai fait, ben non, donc je quitte. Fait que c'est ça, fait que je suis allée chez Raitmans, j'ai fait tous les postes dans le département de planification pour leur division additionnelle, fait que... J'ai commencé en bas de l'échelle, c'est moi qui analysais puis qui envoyais le stock dans les magasins. Comme tel magasin a besoin de tant de paires de jeans, puis tout ça. Après ça... C'est-tu toi qui décidais des tendances? Non, ça c'est les acheteurs. C'est eux qui ont des formations en mode puis tout ça. Okay. Mais après, quand je devenais analyse de produits, là, c'est là que tu scannes les acheteurs. Tu sais, un peu comme je fais ici. Exactement. Quand tu t'emballes sur un jeu puis tu dis en faut 80 copies, je dis non, pas tant. C'est un peu la même chose avec les acheteurs là-bas, c'est quand ils disent « Hey, le jaune moutarde, ça va être la couleur à la mode. » Ouais, mais on vend toujours 75% de noir. Fait qu'on va acheter du noir puis un petit peu de jaune, tu sais. Fait que c'est la drôle même drôle parce que ça s'applique ici parfaitement. Oui, sauf qu'on n'a pas des robes jaune moutarde, mais... Mais c'est exactement ça, tu sais. Fait que là, on faisait vraiment l'analyse de justement quelle couleur vend, quelle grandeur, tu sais, tout ça. Ensuite, j'ai fait le poste plus financier, faire tous les budgets. Puis on sait que c'était vraiment précis. Là, c'était à chaque semaine, pour chaque type de produit, combien on va en vendre en dollars, en unités. Puis si on n'atteint pas le plan, mais qu'est-ce qu'on fait pour atteindre notre objectif? Fait que, est-ce qu'on annule des commandes? Est-ce qu'on fait des promotions? Est-ce qu'il faut racheter du stock et tout ça? Ça, je suis devenue la gestionnaire de toute cette belle équipe-là. Fait que j'ai resté là 10 ans. C'est pour vrai, je leur dis, je vais toujours le dire, cette entreprise est fantastique. Si vous pouvez aller là-bas, allez-y. Genre, c'est vraiment une belle place à travailler, super humain. Mais là, après 10 ans, je suis comme, j'ai fait le tour de toutes les stratégies qu'on peut faire, puis j'ai fait toutes les postes. Fait que j'avais envie d'autre chose. Fait que je suis allée chez Lowe's. Et là. Lowe's qui est. Rona, Renault Dépôt et Lowe's. Ah, c'est vrai, ils ont tout acheté eux autres, hein, maintenant. C'est la fameuse entreprise américaine qui ont exact. Acheté. Exact. Nos. Comment on dit ça, là? Nos fleurons. Nos fleurons, exactement. Nos fleurons, c'est que j'avais chevron en tête, là. Ouais, que là, je m'occupais de toute la logistique, encore une fois, en approvisionnement puis en stock, mais là aussi, il y avait tout le volet transport également. Tu sais, qu'il fallait comme régler aussi là, avec tout ce qui vient de la Chine, qu'est-ce qui vient des États-Unis. Puis, les approvisionnements avec la COVID, c'était l'enfer. Fait que c'était une job quand même très exigeante. Oui. Puis, combien de emails par jour t'avais? Ouais, j'avais 500 emails. 500 emails par jour. Puis j'avais quand j'avais juste deux meetings en même temps, c'était un bon moment, là. C'était tranquille. Fait que t'avais trois meetings en même temps, fait que tu choisisses lequel que t'allais, en même temps que tu lis tes 500 emails. Fait que c'est ça. J'étais bien. J'étais fatiguée. J'étais très très fatiguée. Puis. Tu m'avais dit en joke pourquoi tu viendrais pas ici, puis j'étais comme ah t'es cute, je vais pas faire ça. Ben tu sais, moi c'est mon genre, hein. Je fais des jokes de même, mais c'est jamais des jokes, c'est comme ça que je bâtis mes projets en fait. C'est vrai, pour ça que j'ai plein d'amis Facebook que je connais pas, mais qui sont tu sais comme stratégiquement, je les ajoute en ami, on sait jamais. Mais ouais, je t'avais dit ça... Je t'avais dit ça. En fait, tu m'as re-raconté ça dernièrement. C'est quand j'avais quitté Raitman, j'ai fait un post Facebook, genre après 10 ans, je quitte, ça me fait de la peine, tu sais, tout ça. Puis le monde me demandait, t'allais où, tu t'en vas où? Puis là, toi, t'avais écrit, directrice générale chez Retro Montréal. J'avais écrit, aha, my dream. Puis t'avais dit, ah, un jour, Martine, les rêves peuvent devenir réalité. C'est ça. Puis là, t'es allé chez Lowe's. Ouais. Ok, je pensais que ce serait un pause de après Lowe's qu'on avait dit. Fait que dans le fond, combien de temps t'as été chez Lowe's? 5 mois. Ok, 5 mois, ok. Est-ce que t'es venu semer cette graine-là, là? Oui. Moi, je suis comme, bah, c'est une joke sur Facebook. Puis après ça, à la fête de Fred. Oui, l'année passée. Encore au parc chaud. Exactement. Il se décide beaucoup de choses aux fêtes. C'est incroyable. Tout ce qui se passe. En fait, je pense que c'est la fête à Fanny. Mais peu importe. C'est vrai. Ou, oui. Oui, c'est la Ou fête c'était à Fanny. Ou pas leur affaire de bébé, là. Ah, leur baby shower, peut-être. Ouais, en tout cas, il se passe bien des affaires. Même parc, même alcool. Fait que là, Dom dit ah, ouais. Tu sais, c'était pas une joke, là, directrice chez nous. Je suis comme, ben voyons donc. J'ai toujours travaillé pour des énormes entreprises, là. Je vais pas tout laisser tomber pour une PME, tu sais. Mais ça m'est resté en tête pas mal. Oui. Puis, ben écoute, en même temps, une PME. Ben, c'est ça, tout laisser tomber. Moi, comme je te disais, c'est pas comme si c'était facile le bagage que t'as non plus, tu sais. Ça marche pas. Ben, tu peux rappeler où. Tu sais, je veux dire, n'importe quand, là, tu trouves un job, c'est pas un problème, ça. Fait que c'est ça. Fait que t'as osé faire le saut en PME, donc c'est minuscule. Et puis, moi, bien sûr, on est tous super contents. Tu nous fais une faveur, comme je le dis souvent, d'une certaine façon, parce que sur une échelle salariale, t'es plus haute, là, disons. Et puis, si, mettons, nous, en tant que... Si nous, on cherche une directrice générale présentement, à la grosseur d'entreprise qu'on a, de ton calibre, c'est très difficile à trouver. T'sais, c'est pas comme au grenier aux nouvelles, Je sais pas quoi, que t'sais, on peut trouver quelqu'un qui a ton bagage qui viendrait dans une petite place comme nous. Là, t'sais. Fait que c'est ça. C'est comme un... Écoute, c'est un très bel avantage. C'est merveilleux qu'on puisse tenter cette expérience-là, en effet. Et puis, voilà. Ben oui, parce que en fait, ce qui me stressait, tu sais, j'aime pas ça les risques. Hein. Fait qu'une grande entreprise, je suis comme, ah, c'est stable. C'est safe, tu sais. Mais ce que j'ai toujours reproché, c'est que quand tu veux faire un projet, ça avance pas. Puis c'est long. Puis il y a bien du monde. Puis ça me gossait. Puis je suis comme, mais tu sais, finalement, je suis peut-être pas faite pour la grande entreprise. Non, mais de toute façon, c'est safe. Je veux dire, tu es safe, tu sais. C'est comme tout. Ton expérience, t'as rien perdu là, dans ta vie. Même, tu sais, ici, c'est une expérience de plus aussi. Si jamais à long terme ça marche pas, tu sais, fait que tu perds rien de tout ça. Fait que tu es safe de toute façon, tu sais, tu manqueras jamais de rien. Fait que moi, au contraire, je trouve que c'est une belle expérience à essayer pour toi, professionnellement. Puis comme tu dis, là, c'est tout l'inverse. Ici, hey, Martine, ça t'entraîne-tu? Ma maison est en feu en arrière. Tout en revole dans tous les sens. Oh, ouais, non, ça va. T'sais, on manage, mais on aurait besoin d'aide. Là, t'sais. Ben, c'est un peu ça. Fait que. Fait qu'ici, il y a des projets. Ah, des projets, on en manque pas. Toutes les journées sont différentes quand même, je trouve. Hein. C'est sûr qu'on a des projets qu'on sur lesquels on planche, mm-hmm. mais il y a plein d'autres projets aussi. Il y a des priorités, en fait. Mais il y a plein... Tu sais, comme les journées passent, puis on dirait qu'on s'en rend pas compte, là, tu sais, comme hier, tu sais, OK, telle affaire, nouvel employé qui arrive, on parle, finalement, on a un meeting, ah, finalement, ça, ah, finalement, ça, ah, puis ça, puis là, c'est comme, tabarnak, qu'est-ce qu'on était supposé faire un matin, donc, ah, ouais, tu sais, ça... En tout cas, pour moi, c'est comme, tu sais, moi, je suis habitué d'être devant mon ordinateur, puis assez de design, tu sais, puis tout, puis ma petite gestion sur le site. Toi, tu es habitué de gérer 1000 affaires. Tout ça, pour toi, c'est rien, mais... Ben, c'est pas la même chose, en fait. C'est, tu sais, là, j'ai pas 500 courriels à ben, gérer. Ben, c'est ça, t'sais. C'est ça. Fait que c'est pas la même game, mais c'est très différent. Mais non, super contente d'avoir plongé quand même. Bon, écoute, on va continuer avec les questions, puis ça va continuer de répondre. Michael, as-tu fini Castlevania 1? En cours. Bon, c'est en cours. Daniel Vaillancourt, top 5 best games of all time. Ça, c'est toujours compliqué, ça. C'est toujours compliqué. Mettons, on peut name-dropper une coupelle de jeux chacun qui nous ont marqué, peut-être. Ça serait plus simple. Moi, Castlevania 3 au NES, bien sûr, j'en parle, je le dis toujours. Final Fantasy 2 au Super NES aussi, très important. Street Fighter 2 pour le combat, pour moi aussi. Là, hey, mon troisième jeu. Ah oui? Oui, c'est mon troisième jeu. Que tu as possédé? Oui. OK. Oh, nice. On joue-tu à Street Fighter, nous autres, des fois? Jamais. On n'a jamais joué. À l'arcade, on joue, là. J'avais le Turbo Edition. Ah plus. Ouais, ça, c'est, ça allait vite. Sinon, toi, ben, donc. Là, t'en as nominé trois, là. T'en manques deux. Ouais, je sais, mais là, j'ai besoin que tu parles pour que j'essaie d'en trouver deux. Ben, c'est ça, c'est comme toujours une question piège, parce qu'il y en a 1000 jeux, puis ils sont tous bonnes pour différentes raisons, là. Mais oui, tu sais, Donkey Kong, c'est ce qui a marqué mon enfance, fait que j'ai pas le choix de dire ça. Sinon, en termes. Tu sais, j'aime beaucoup les platformers, puis, tu sais, Céleste, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup accroché, là. Je me suis rendue au niveau C, là. Je sais, on fait plein de DLC, là, faut que je me relance là-dedans. Un jeu qui m'a vraiment marqué, parce que je sais pas si tu sais, Dom, mais moi, là, j'ai vraiment peur des robots. Ah non, je sais pas ça! C'est parce que... Fio, on n'a pas ici, non? Non, mais c'est parce mais que... Mais on va en avoir! Depuis qu'ils ont mis deux ordinateurs ensemble, puis qu'ils se parlaient, mais en code, on s'entend, puis ils ont décidé d'enlever le code que les humains leur avaient donné, puis ont créé leur propre langage qui était plus efficace pour se parler entre eux. Moi, depuis... Ça fait peur, ça fait. Ben, c'est ça, ça fait peur. Fait que pour moi, Detroit Become Human, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. Le narratif est super intéressant, puis il y a des millions et des millions de choix dans ce jeu-là. Tu sais, tout le monde n'a pas fait le même jeu tellement qu'il y a de choix. Fait que ça m'a vraiment marqué. Autre jeu qui m'a marqué narratif, Walking Dead, la série, quand j'ai fini au dernier de des Telltale. C'est le premier jeu qui m'a fait pleurer. Mon Dieu, ouais. Je m'attendais pas à ça. Ben, pas que tu pleures, mais que tu aies joué à ce jeu-là et que ça t'aille transporté. Ah oui, ça m'a transporté. Clémentine, là. Ah, mais t'as pas joué à ça ou t'as joué? Non, j'ai pas joué. J'ai écouté la série télé. Oui, non, j'ai pas écouté la série. Ah, t'as pas écouté la série? Wow! Puis sinon, tu sais, au NES, tu sais, Guardian Legion, je te dis tout le temps, moi, ce jeu-là, là, ça, là, ben c'est parce que c'est comme deux différents gameplays réunis en un, c'est comme les Butch Mop, les Butch, comme top-down, je sais pas, il y a quelque chose dans le jeu-là qui me fait triper bien vite. C'est vrai, la musique est excellente. Un peu répétitif quand même, je trouve, là, mais oui, c'est un jeu que j'ai fait dernièrement, puis que je savais que j'étais comme Chris, que je fasse ça, là, ça n'a pas d'allure. Mais c'était excellent. Sinon, moi, je pourrais rajouter, je ne veux pas tout le temps dire des Castlevania, là, mais mettons Symphony of the Night, pour ce qu'il est aussi, pour ce qui a trigger tout mon amour des présents Metroidvania, tu sais, comme il y en a tellement sur la Switch, bien sûr, là, non-stop. Fait que ça, je crave les Metroidvania sur Switch, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, donc tu sais, tous les petits comme jeux. Comme Hollow Knight qui est le Hollow meilleur. Knight, exactement, je pense que Hollow Knight pourrait être un jeu dans les tops de bien du monde. Ça, ça nous fait triper tous, bien sûr. Mais quoi d'autre? Contra au NES, c'est un jeu que j'ai tellement, tellement, tellement joué. Puis parce que tu parles jamais là, de Nintendo 64. Là. C'est vrai, parle-nous de ça. Je dois dire que moi, Mario 64. Ouais. C'est... T'as joué à ça beaucoup. Ah oui, oui, oui. Comme, je peux encore faire les 120 étoiles vraiment rapidement. C'est comme le 3D qui venait d'arriver. Puis la 64, on s'entend, là, ça a mal vieilli. Oui. Mais ce jeu-là, je l'ai encore dans mon cœur, puis une fois de temps en temps, je me le flanche. Ben, c'est correct. T'sais, ça a mal vieilli, oui, mais c'est, je veux dire, c'est jouable si t'as la nostalgie pour, là. Puis moi, je suis jamais freiné par du graphisme. On niaise, là, la 64, là, mais t'sais, certainement que ce jeu-là et plein d'autres jeux de 64 sont encore très efficaces aujourd'hui. Puis, ouais, ben, ça en fait assez. Ça en fait assez, Daniel. Simon Lahaye, qu'est-ce qui est le plus facile à gérer pour vous dans vos vies personnelles et professionnelles? Le temps ou l'argent? L'argent. L'argent est plus facile à gérer. Parce qu'on manque toujours de temps pour faire tout ce qu'on veut. Exactement. Et le temps, c'est de l'argent aussi, bien sûr. Ne l'oubliez jamais. Mais l'argent, c'est facile. Il est là. Il bouge pas, c'est toi qui le fais bouger. Comme, le temps, il y a tellement de facteurs, c'est ça. C'est le temps, effectivement. Puis c'est plus important que l'argent pour bien des choses. Si on n'avait pas de temps, on bâtirait rien, n'est-ce pas? D'où mon choix d'être venu ici? Oui. J'ai tellement plus de temps maintenant. Oui, c'est vrai, hein, c'est ça. Sébastien Patterson, quand est-ce qu'on prend un verre à l'arcade ensemble? Ben, ça va être jeudi prochain, le 16 juin, pour le lancement de Turtles Shredder's Revenge. Donc, puis j'ai vu que tu vas mettre ton masque de Casey Jones, ça compte comme un bandeau, donc ça va être l'entrée moins chère. On s'est fait poser la question hier, parce qu'on a fait l'annonce au Geekette d'ailleurs, puis on nous a demandé, mais est-ce qu'il faut qu'il soit sur les yeux ou ça peut être vraiment juste dans le front? On peut tolérer dans le front, là, parce que sur les yeux, ça commence à être compliqué, là. Mais c'est ça. Puis aussi, pour démêler les gens, là, c'est la sortie, le jeu sort digital, le 16, tu sais. Mais physique, écrivez-nous pas, on le sait pas. On le sait pas, c'est commandé chez nos fournisseurs, puis, mais on n'a pas de date là, pour ça. Donc, c'est pas le jeu physique la semaine prochaine, vous pouvez pas commander, vous pouvez pas créer, on le sait pas. Et on ne peut pas faire de précommande avec Limited Run. Exactement. Puis c'est la même chose pour Infernax, puis Snow Brothers, puis whatever jeu très attendu. Là, on est tout le temps à la merci de Limited Run, là, carrément. Même les propres créateurs du jeu, donc Fred, ouais. En ont aucune fucking idée. T'sais. Les créateurs d'Infernax, que tu connais, ouais. En ont fucking aucune idée non plus. Fait que personne ne le sait, écrivez-nous pas pour ça. Patrick Doyon. Bill and Ted, Excellent Adventure en physique sur Switch et PlayStation. Pourquoi? Est-ce que Retro MTL commande tous les LRG disponibles, Limited Run Games, ou vous sélectionnez uniquement ce qui se vendra bien en magasin? Ben, première question, le Excellent Adventure, c'est une compilation du jeu NES et Game Boy de Bill and Ted. Comme on l'a écouté, la présentation Limited Run ici avec les employés d'ailleurs. Puis, je suis d'accord. Pourquoi? Ils ont fait la même affaire avec A Boy and His Blood, tu sais, ouais. Pour la version NES et Game Boy. Puis, ça, je comprends un peu plus au sens... Non, mais tant qu'ailleurs, ils mêlent tous. Ouais, ben, il y aurait pu. Mais là, ils en font un autre à part pour l'autre A Boy and His Blood. Mais ils auraient pu tous mettre les blobs ensemble, ça aurait été réglé. Puis, ben, Bill and Ted, c'est des jeux de merde, ça. Sérieux? Moi, je la comprends. Mais il y a peut-être pas. Quelqu'un qui a une nostalgie. Je sais pas. Peut-être quelqu'un là-bas qui a une grosse nostalgie pour ce jeu-là. Ben là, c'est bizarre quand même qu'ils viennent d'annoncer ces deux affaires-là. Je sais pas si ça va être une nouvelle tendance, Limited Run, de faire des doublés, tu sais, jeux NES et Game Boy. Quels autres dons? Ah, il y en a plein, en fait, là. Parce que dans ce temps-là, même des fois Super NES, tu sais, des fois ça faisait les trois plateformes, là. Mais je serais curieux de voir. J'essaie de penser. Quel jeu, Martine, là, NES et Game Boy? Je sais pas, là. Robocop, t'sais. Il y a beaucoup de Robocop, ça marcherait pas, mais c'est comme un, en tout cas, je suis curieux de voir. Mais non, on les commande pas tous, pour répondre à la question. En effet. Ben, les gros titres, on en commande beaucoup. Puis c'est ça le défi, bien sûr, hein, avec les jeux neufs, parce que, comme j'ai déjà expliqué, on veut pas trop en commander, parce que tout ce qui dort sur nos tablettes, c'est du capital dormant et parfois perdu, parce que, puis ça gruge. Nos marges de profit, parce qu'elles sont minces, ça agruge le profit sur ceux qu'on vend. Donc, c'est ça qui est vraiment tricky, de commander la bonne quantité pour satisfaire à la demande, puis qu'on n'ait pas des clients qui se disent « Ah, c'est pas, je vous n'avais plus déjà », puis qu'on rate le bateau, qu'on se dit « Crème, on aurait pu en commander genre 30 de plus, facile, là, tu sais ». Ou des fois, on se dit « Ça, ça va être bon à malade », puis personne n'en achète. Mais ouais, mais on se force pas à acheter tous les titres. Là. Si on pense que notre clientèle va pas être intéressée par ça, on va pas l'acheter. Des fois, on va en acheter une ou deux copies. Ben, je pense que Bill & Ted serait peut-être un titre de un ou deux copies, là, justement. Là, mais pas une dizaine. Là, parce que il y a tout le temps du monde qui achète de tout aussi. Il faut pas l'oublier. Là. Puis, dans le fond, tu demandais aussi si ça se vendait bien en magasin. Il faut faire une distinction des fois, puis des fois, on le fait mal, tu sais, entre ce que nous, on aime, et puis ce qui est vendeur, tu sais, comme des affaires qu'on connaît pas ou des styles de jeu qu'on aime moins. Des fois, on a tendance à moins en commander ou juste passer free, comme Eastward, tu sais, nous autres, on est comme pas vraiment au courant de ça, mais ça a l'air, c'était attendu, ça, fait que là, on a raté le bateau un peu là-dessus. Mais tu sais, Double Dragon, nous autres, on nous sommes malades, fait que là, on a commandé. Je tiens à dire que j'étais pas là quand c'est arrivé. C'est ça. Moi, puis Jonathan Pierre est fou, on a acheté plein de Double Dragon. Parce que moi, j'aime bien, tu sais, je vous dis tout le temps, donnez-moi un titre similaire, je vais voir le passé, je regarde à partir de quand on a manqué, puis tu sais, on essaye de, mais tu sais, ça, c'est jamais parfait, là. On peut pas toujours prévoir le hype. T'sais, c'est comme les Pokémon, on sait jamais quel Pokémon est hot, moins hot. C'est ça, t'sais. Puis même les AAA Nintendo, il y en a qui partent très vite, il y en a finalement que ça part moins vite. Puis c'est ça, là. C'est dur, mais il faut faire attention à ça. Ton fabuleux conjoint, qu'est-ce que tu veux manger pour souper? Ben pourquoi pas des dumplings? Des dumplings ce soir, François. Va chercher, va faire tes commissions. Mais en fait, la question était pour moi ou pour toi? Ah! Toi, qu'est-ce que tu veux manger pour souper? Ben, sûrement pour toi, là, parce que, genre, c'est lui qui cuisine pour toi, alors moi, je pense que c'était pour toi. Mais moi, que je veux manger, je sais pas, que je vais manger. Je sais qu'est-ce que je vais manger. Catherine ne sera pas là, c'est une recette que je dois faire de pâte, salade de pâte aux saucisses, là. Faut que je fabrique ça. Alors, voilà. Éric Hébert. As-tu fini Donkey Kong Country avec des save states? Non. Alex Neveu, propriétaire du marché Bonichois Neveu à la Verlochère, Land of the Doritos, qui veut savoir, allez-vous au Témiscamingue cet été? Ben, moi, écoute, ça serait plus probable moi que Dominique, mais j'ai plus de famille au Témiscamingue. Ma famille est en Abitibi, donc si j'y vais, c'est probablement plus en Abitibi. Mais mon conjoint, comme tu le sais, Alex, vient du Témiscamingue. Des fois, on va voir nos amis, fait que peut-être que cet été, nous irons. On t'embarquera! Tu vas voir Alex! Ben, j'aimerais vraiment voir Alex, mais pas envie de me taper à la route. Par mais c'est bien certain que si jamais je vais là, ça va y être. Bon, Michael Belzil, il était temps que t'invites quelqu'un à ton podcast. Ouais, t'as raison, mais j'ai expliqué le pourquoi tantôt. Là, Steve Charon, pourquoi Montréal, point d'interrogation, l'île fantastique, entre guillemets? Là, je comprends pas. Sais-tu pourquoi t'as décidé d'appeler tes business Rétro Montréal, Arcade Montréal? Je sais pas. On comprend pas la question. C'est une affaire, ça, de rire de Montréal, là, que Montréal, c'est tout, puis les autres, c'est de la merde. Si c'est le cas, nous, on pense pas ça. On aime tout. On aime beaucoup la ville de Québec, d'ailleurs. Ghislain Comtois, pourquoi pas choisi la gestion du magasin de jeux quand question bête de même? Ben, on a répondu. D'abord. T'es amateur de jeux vidéo. Si on avait ici fait des nappes, Je serais venu pareil. Ah oui, parce que tu sais, pour moi, c'est pas important le produit. T'sais. Quand que je travaille, moi je vois ça se vend, ça se vend pas, ça va prendre tant d'espace de tablette. Je fais juste penser gestionnaire. Puis tu sais, quand que on reçoit des lots, là, des bacs, là, comme tous les vautours, là, vous êtes tous là-dessus. Tu sais, moi je suis juste comme ah, calisse, on n'a pas acheté ça. Ouais, yes, ça va être vendeur. Tu sais, fait que comme mais j'oublie ma petite gamer, tu sais, puis. Même si tout le monde fait des farces que j'achète pas assez. Parce que c'est vrai, t'achètes jamais rien. Mais non, mais c'est parce que. Tu payes jamais dans l'inventaire. Ben non, parce que quand je suis en mode travail, je vois pas. Comme pour vrai, mettons que tu viendrais un samedi, là, puis là, je commencerais à browser le magasin, là, j'achèterais plus, tu sais. Fait que c'est ça, moi, le produit est pas important. C'est sûr que c'est le fun que ça soit des jeux, là, on va se le dire. Oui, t'sais. Quand même, vu qu'on aime ça, tu sais. Ben c'est ça, puis tu m'as donné des bons trucs aussi pour nettoyer mes jeux, fait que ça c'est bien fun. Ah ouais, ben ça ici, il y en a beaucoup du nettoyage de jeux. Mais c'est vrai qu'au quotidien, tu sais, même moi, je veux dire, quand les lots rentrent, je regarde, je suis comme ah, cool, mais à part ça, tu sais, je suis pas comme ouh, des jeux, tu sais, c'est même rendu très banal, là, tu sais, fait que on dirait que ça, c'est triste d'une certaine façon, ça a éteint un peu l'excitation que j'avais de voir beaucoup de jeux, mm-hmm. tu sais, à cette heure, je vois des jeux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bientôt, il y a une réunion CCJVQ, tu sais, fait qu'il va y avoir des jeux, des posts Facebook de jeux à vendre, encore des jeux, man, je vois tellement de jeux tout le temps que, tu sais, c'est, je suis plus excité. Peut-être aussi parce que je suis rendu à un niveau de collection que, tu sais, il manque plus grand-chose, puis ce que je veux, c'est très pointu, là, mais... ça banalise, puis surtout quand t'es en affaires là-dedans, ben effectivement, à un moment donné, tu vois ça juste comme des unités, oui. Tu sais, tu vois plus ça comme des jeux tant que ça. Mais tu sais, puis pourquoi la gestion de magasin de jeux, tu sais, je dirais aussi que ce qui est intéressant pour moi, c'est comme moi, pour moi, je pensais que mon prochain step allait être l'alimentaire, parce que l'alimentaire, il y a la notion de, tu sais, le produit est périmé, fait que si t'en achètes trop, la conséquence est vraiment grave. T'sais, des vêtements, c'est pas si grave. Des vis, c'est pas si grave. Mais là, pour moi, mon next step, c'était l'alimentaire. T'sais. Parce que t'aimes les défis. Ben, c'est ça, j'aime beaucoup les défis. C'est bien plus simple quand les affaires passent pas d'âme. Ben non, mais c'est pour ça. Mais moi, je voulais plus de défis. Fait que ce que je trouve intéressant, le magasin de jeux, c'est qu'on sait pas ce qu'on va recevoir en usager. Mm-hmm. On est capable de contrôler le neuf, mais l'usager, on le contrôle pas du tout. Fait que pour moi, c'est comme un peu ce que je voulais aller chercher dans l'alimentaire. C'est le défi de pas savoir ce qui va rentrer. T'sais. Ben, en alimentaire, tu sais ce que tu commandes. Tu peux lever le téléphone, commander deux palettes de yogourt, tu sais. Oui, mais il y avait quand même le défi qu'il faut pas que tu en commandes trop. Comme la conséquence, c'est très grave. Pas grave au sens qu'on est contre du monde avec des produits périmés. Grave dans le sens qu'on a des pertes financières. Mais ici, un défi assez unique, je trouve, c'est vraiment de pas contrôler l'approvisionnement, tu sais. Puis de se questionner à genre, là, on achète trop. Là, on nous propose de ces affaires-là. Là, il faudrait qu'on ait plus de ça. Puis c'est quelque chose que tu fais depuis que tu es arrivé, bien sûr, puis nous autres, on ne prenait pas le temps de faire. C'est genre de checker comme il faut qu'est-ce qu'on a de chaque affaire. Puis à un moment donné, on se rend compte, avec les rapports que tu fais, c'est comme, Colin, on vend une moyenne de, je sais-tu, moins deux consoles par jour, tu sais. Ça prend des consoles. Alors que dans notre tête, ouais. Nous autres, c'est comme, Chris, on a ben trop de consoles, ça prend de la place, pourquoi faire? C'est comme, non, on en vend plein. Fait que c'est très important. Puis tu sais, l'autre défi aussi, tu sais, c'est que, tu sais, j'étais habituée aussi dans mes autres commerces, comment ça fonctionnait, c'est... Mettons Black Friday, là. Ouais. Donc, ça va être ce coton ouaté-là qui va être en promotion, en 5 couleurs. Fait qu'on en commande en conséquence qu'on va faire cette promotion-là, tu sais. Mais encore une fois, ici, on sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. Puis, tu sais, fait que faire du marketing, tu sais, justement, tu sais, c'était facile avant de dire, hey, on a reçu 2000, on avait une infolette, hey, voici notre nouveau produit. Mais si on en a un, on peut pas faire une infolette à 10 000 clients, viens acheter notre seule copie, tu sais. Exact, t'sais, parce qu'elle peut se vendre n'importe quand, c'est ça qui est très dur, tu sais. Fait qu'il faut orienter les promotions en fonction de ce qu'on veut qui bouge et puis pas trop donner non plus de ce qui nous manque tout le temps, là, tu sais. Fait que. Il n'y aura jamais des gros spéciaux sur Mario Kart, là, tu sais. Ça, c'est, ces affaires-là, on a toujours besoin. Fait que ça, ouais, c'est un défi. C'est un défi weird, tu sais. Puis moi, c'est ça que je trouve ici, là. C'est dur à maîtriser, là, puis à planifier, tu sais, le rachat. Puis aussi, on peut jamais dire non aux belles affaires qu'on nous propose parce que c'est non renouvelable, tu sais. Mais en même temps, là, faut pas s'enterrer non plus sous l'inventaire. Fait que c'est un sujet qu'on s'obstine beaucoup dessus. D'ailleurs, les gens vont penser qu'on s'obstine tout le temps, finalement. Ben non, ben... Mais... Peut-être qu'il y a des questions sur l'obstinage, mais on y reviendra sur l'obstinage. Je sais pas, c'est toujours drôle. Jean-Michel Racine. Nous entendons parfois d'hommes parler de possibles plans futurs de l'entreprise. Ma question pour Martine est, comment vois-tu la compagnie évoluer au cours des prochaines années? D'autres magasins, changements à l'interne, congédier papa cassette? Ben, tu sais, ça, en fait, Jean-Michel, tu sais, je te dirais que le rôle, tu sais, de directrice générale, tu sais, moi, je vois plus ça comme, c'est les propriétaires qui doivent décider qu'est-ce qu'ils veulent pour l'entreprise. Puis oui, après, je peux les conseiller, est-ce que c'est une bonne idée, une pas bonne idée, mais, tu sais, si ils nous diraient, ben non, nous, une petite boutique de quartier, ça fait notre affaire, puis on veut juste le maintenir, bon, ben parfait, c'est ce qu'on va faire, tu sais, si on veut le grossir, on veut le grossir, mais, tu sais, moi, il faut que j'atteigne leurs objectifs, tu sais. Fait que j'ai pas à avoir de plan comme tel. C'est pas mes plans qui sont importants, mais plus les plans des trois propriétaires, c'est ça. Oui, puis c'est de nous cadrer un peu dans la faisabilité de ces plans-là, en effet. Puis vous me connaissez, moi j'ai des grandes idées. Fait que Martine est au courant aussi en s'en venant ici. Mais c'est ça. C'est, mais tu sais, on a. Comment dire? C'est drôle ce que tu viens de dire. C'est... Parce que là, t'es mon employé d'une certaine façon. Mais pas d'une certaine façon. T'es mon employé. Mais. Non, d'une certaine façon. Ben oui, oui. Là, ben, je pense qu'il y a une question aussi par rapport à ça. T'sais, mais t'es pas, je veux dire, on t'a engagé pour te mettre au-dessus de nous autres là, d'une certaine façon. T'sais, c'est toi qui décides là, au final pas mal de tout. Là, t'sais, parce que. Tu complètes t'sais, des talents, des skills qu'on n'a pas là, finalement. Puis c'est bien certain qu'on t'a pas engagé pour te dire quoi faire. T'sais. On t'a engagé pour que tu nous dises quoi faire et que tu nous aides pour nous aligner oui, sur mais, où est-ce mais qu'on selon va. Selon ce que vous voulez aussi un peu, t'sais, dans le sens, c'est ça que je t'avais dit, je suis comme, mais tu veux grossir jusque où? T'sais, parce que comme on va atteindre où est-ce qu'on veut y aller, mais tu sais, si on se dit on veut des succursales partout en Amérique du Nord, ben là, mon rôle va être de trouver c'est où les meilleurs endroits pour ouvrir des succursales par rapport au commerce en ligne, ici et ça. Tu sais, si on se dit non, on est content avec ce qu'on a, mais OK, mais comment qu'on rend ça le plus profitable possible, tu sais, fait que quand même, l'objectif principal doit venir de vous, tu sais, puis moi, il faut que je supporte cette stratégie-là, t'sais. Exact. Fait que dans le fond, toi, tu vois... Mais toi, là, qu'est-ce que tu vois? T'sais, moi, je vais vous. Non, ben, toi, je vais dire moi qu'est-ce que je vois après. Mais mettons, toi, là, tu vois ça comment? Le développement, là. Mais, tu sais, pour moi, tu sais, puis on s'entend, là, je suis aussi biaisée par tout ce que j'ai vécu en grande entreprise. L'avenir est vraiment en ligne. Fait que pour moi, c'est vraiment avoir des flagships dans des villes stratégiques. Mais le business comme tel, c'est vraiment en ligne que ça se passe. Fait que, tu sais, avoir un centre de distribution, mettons, un endroit stratégique, avoir des flagships à des endroits stratégiques, mais tout en ligne, tu sais, principalement. C'est le modèle que je vois actuellement. Ben, je suis d'accord avec ça aussi. Puis, ouvrir des franchises, des magasins partout, c'est... C'est beaucoup de gestion. En fait, c'est l'inverse, tu sais, en ligne est le futur. Et puis, plus qu'on s'étale dans des magasins, plus qu'on perd le contrôle ou plus qu'on a de contrôle à essayer de maintenir. Puis ça, je pense, ça peut devenir très épuisant. Et puis, sinon, tu sais, à court terme, moi, ce que je vois présentement, c'est juste de au oui. moins regrouper le magasin et le QG ensemble. Et puis ça, c'est à moyen terme-ish, parce que nos baux se terminent genre dans un an et demi, mais si on peut le faire avant, on peut peut-être le faire avant, on qu'on regarde les chiffres et la faisabilité de tout ça. Mais moi, ça, c'est la prochaine oui. vraie étape. On se rassemble, tout le monde, tous les employés, tout le monde, dans notre temple, le temple de la grise, quelque part. Et puis à partir de là, on est comme, on s'installe. Tu sais, on va mieux voir aussi, je pense, les postes, qui peut faire quoi. Tu sais, l'équipe aussi à l'interne, elle évolue. Il y en a qui sont partis, il y en a des nouveaux, il y en a qui ont développé naturellement certains skills. Tu sais, c'est intéressant ça. On joue avec les forces de tout le monde et puis on peut bouger des gens. Et puis, tu sais, même présentement, mettons, avec le magasin, quand on est understaffed, c'est compliqué, on faut qu'on y aille, puis tout ça. Fait que tandis que si on est tous ensemble, ben c'est beaucoup plus flexible, tu sais, comme on se lève, puis on va donner un coup de main, ou whatever. Fait que ça va changer beaucoup de choses quand on va tous être sous le même toit. Fait que moi, je pense qu'on va travailler ce beau temple-là à Montréal, tu sais, puis continuer de pousser dans l'île. Sur l'île fantastique. Comme dirait Steve. Et puis après, tu sais, un coup que ce temple-là, tu sais, comme un beau temple là, de Sith, là, comme dans Star Wars, avec des planchers luisants, là, tout est propre, là, tu sais. Parce qu'ici, c'est joli, là, mais ça pourrait être plus à jour. Mais ça m'avait tellement appairé, je sais pas si tu te rappelles, Dom, avant que tu m'engages, j'étais comme, on était à veille de signer le contrat, tu sais, t'as dit, Martine, t'as-tu déjà vu le QG? Est-ce que tu serais confortable à travailler dans des bureaux comme ça? J'avais tellement trouvé ça drôle, je me disais, quoi, tu me prends pour une princesse? Non, mais c'est ça. Parce que moi, dans ma tête, elle travaille l'Auto-Québec, tu sais, tout ça, là, elle vient ici, c'est comme, c'est une caisse de jardin abandonnée, tu sais, avec des chiottes, des néons qui clignotent, des toilettes qui flochent pas. Des tapis vraiment sales. Des tapis turquoise à grandeur. Mais c'est ça, en même temps, on a fait l'amélioration locative de tout faire repeindre en blanc. Là. Ça a coûté cher d'ailleurs, là, mais il n'y a pas question de mettre une scène de plus ici. Sauf bien sûr pour être bien au quotidien. Oui. Là, on a changé les toilettes. On a changé les toilettes. Les impropriés ont payé, mais c'est ça. Fait que. On a vu une employée qui avait des questions. Plus tard, on n'a pas fini. Fait que, ouais. Ben, sinon, Ah ben, Benoît Laviolette, quel est ton plan d'action, Martine, pour les poubelles chez Reto MTL? Mon plan d'action pour les poubelles? C'est plus moi, le maestro des poubelles, en fait. C'est sous contrôle, hein, je vous dirais. Il n'y a plus de... Mais c'est plus le recyclage le problème, moi, je dirais. Parce qu'il y a tous les voisins qui mettent leur recyclage dans notre recyclage. Ouais. Ben, les poubelles aussi, en fait. Ça dépend des... Mais on a moins de poubelles. Ouais, ben oui, oui. On produit plus de recyclage que de poubelles. Fait que si les voisins mettent leur shit dans notre poubelle, ça contient dans le bac. Mais le recyclage, quand ils nous le remplissent, c'est comme non! Faut qu'on mette nos affaires! Alors, c'est clair. Là, petit, des fois, on est genre, hey, on rentre-tu le dimanche juste pour sortir le recyclage? Ah, des fois, je l'ai fait. Là, je le fais de temps en temps. Mais là, notre nouvelle compagnie de ménage, elle semble comprendre ce qu'on y dit. Fait que là, eux autres, ils sortent quand ils viennent faire le ménage le dimanche. Parce qu'ici, le poubelle et le recyclage passent lundi matin très tôt. Puis on n'est pas là, puis on rappe le truck. Là, je demande aux employés, aidez-moi, on prend le recyclage, on va le porter plus loin, parce que le truck n'est pas passé. C'est une vraie farce. Mais là je pense qu'on est sous contrôle. Ouais. Le seul problème qui reste à régler, c'est les maudites roues sur le bac à recyclage qu'on s'est fait voler. Faut rappeler la ville. Faut que je rappelle la ville pour qu'ils relivrent des roues, là, parce que c'est pénible là, de frotter ça sur l'asphalte. C'est une vraie farce. Tout le monde se revire, là, tu sais, c'est gênant. Ça fait du bruit pour les voisins à côté. Là. Fait que c'est là qu'on en est. Oliver Miller avec la dernière question. Quelle est la recette pour être la gestionnaire de tes proprios? En d'autres mots, pour être le boss de tes proprios. Ben, y a-tu une recette vraiment? L'obstinage. Ouais, l'obstinage. Ben non, mais je pense que. Ben, tu sais, on discute pas mal. C'est pas comme toi qui as le dernier mot ou moi qui ai le dernier mot. Là. Je veux dire, on en discute tout le monde ensemble. Puis, Absolument. Ben là, on parle de nous deux aussi. Il y a Jonathan qui est avec nous au quotidien dans toutes ces discussions-là et décisions, bien sûr. Fred, il travaille de son bord, mais il endosse toutes nos décisions et puis il dit allez-y, je vous fais confiance. Puis quand il y a des affaires plus importantes, là, on le poke. Fait que tout le monde est au courant de tout. Mais, tu sais, c'est ça, comment être gestionnaire. Tu sais, on se parle de la business comme on se parle casual de n'importe quoi, tu sais. Fait que, mais, puis aussi, je pense qu'on est exactement sur la même longueur d'onde, tu sais, au niveau de comment dire, du raisonnable, tu sais. Même si je peux sonner non raisonnable, tu sais, je suis comme, ah ben oui, c'est vrai, tu sais, vice versa. Fait que, tu sais, c'est pas, je rentre pas dans ton bureau, bon là, Martine. Tu sais, non. Mais non. C'est l'inverse. Comment ils viennent me voir? Je suis comme, bon, je vais te montrer les chiffres, OK, tu sais, puis c'est ça. Mais je pense que c'est ça. La recette, c'est qu'on se considère pas mal tous au même pied d'égalité, puis je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi, là. Sinon, ça serait tough. Ça serait poche aussi. Hein, non, genre. Ça serait pas le fun, là, tu sais, voyons, c'est pas du tout, là. On n'aurait pas de plaisir, puis je pense que c'est pour ça que je souhaitais que tu viennes. C'est de même que je le voyais, tu sais. C'est de même que j'avais l'impression que ça allait fonctionner, là. Puis j'aurais pas voulu que ça soit autrement non plus, tu sais. J'aurais pas voulu que tu sois casse-pied tout le temps. Je dis, non, là, tu sais, non. Puis toi non plus, l'impression, fais ça, là, tu sais. C'est comme, t'entends ce que je dis, toutes mes affaires que je dis, tu le laisses mariner ou t'en tiens pas compte. Comme c'est ça que tu m'avais dit. Là, je t'en reparle une deuxième fois. C'est comme, OK, je vais commencer à ruminer ça. Ouais, mais c'est parce qu'il faut comprendre. Mettre ça sur le slow burn en arrière. Dominique, il y a beaucoup d'idées. Oui. Puis moi, au début, je pensais que je devais toutes les actionner. Puis là, je commençais à connaître un peu plus d'hommes. Puis là, c'est dépendamment du moment qu'il m'en parle. Puis combien de fois il m'en parle. Que là, je sais s'il faut l'actionner ou pas. Fait que maintenant, je vais juste me jeter bien des affaires. Mais moi aussi, quand t'es pas d'accord, tu dors là-dessus, puis on en reparle, tu sais. Ouais, on dort sur des choses, là. Effectivement. Joe aussi, là. Je veux dire, ça va super bien, super parlable. Oui, totalement. C'est une belle harmonie de travail, là, tu sais. Puis, voyons, qu'est-ce que j'avais en tête? Non? Mais en fait, tous les employés pensaient qu'on était tous best buddies depuis super longtemps, tu sais. Mais on était des amis de party une fois de temps en temps. T'sais. Ouais, c'est ça. Okay. Ben, des bons amis, là, mais on se voyait pas toutes les fins de semaine, tu sais. On se voyait dans les parties d'amis, ouais. Là, tu sais. Puis c'est ça. Mais c'est correct aussi, d'une certaine façon. Ben, je veux dire, on est des très bons amis, là, puis... Mais, ben, j'ai pas tant de best buddy one-on-one tout le temps, là, tu sais, que j'allais dire, c'est les amis en affaires, ouais, ça peut être un problème. Ça peut être un gros problème. Puis si vous partez en affaires puis que vous avez des partners, faites attention, choisissez-les comme il faut, choisissez des gens pas nécessairement vos meilleurs amis. Tu sais, moi, Joe, c'était mon ami, mais tu sais, comme je côtoie Joe présentement depuis les 3 dernières ouais. années, comme j'ai jamais côtoyé quelqu'un, là, tu sais. Puis c'est drôle parce que on n'était pas, je veux dire, on est des amis, mais tu sais, on s'appelait pas. Là, non, mais moi aussi, Joe, je le connaissais à peine. On disait salut d'un party, on se parlait un peu, mais comme pas plus que ça. Là. Mais c'est ça. Puis Joe est un excellent partenaire, là, tu sais. Fait que ton meilleur ami n'est pas nécessairement, vraiment pas nécessairement ton meilleur partenaire dans ta business. Trouve quelqu'un, tu sais, qui pas quelqu'un qui pense comme toi. C'est bien d'avoir quelqu'un qui pense différemment, mais pas un antipode complet, là, tu sais, parce que ça marchera pas. Puis pas non plus quelqu'un qui pense tout comme toi, tu sais. C'est dur à expliquer. Mais à un moment donné, il va avoir des questions d'argent, puis il va avoir des questions de bien des affaires, puis aussi des questions de genre, les efforts sont-ils fournis par tout le monde au même niveau? Ça, c'est bien important. Fait qu'il va se passer bien des affaires. Mais... là, on voit des employés. Ouais, depuis tantôt, c'est comme, y'a-tu le feu? Y'a-tu le feu, là? Tout le monde passe, là. C'est comme, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qui se passe? Martine n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient. Ça fait juste 1h05, en plus. Ça fait même pas longtemps. En plus, je pense que t'as même pas mis tous les commentaires. Il me semble que j'avais vu d'autres questions. Ah, ok, ben, je vais revenir au plus. Je vais mettre plus récent. Mais. David, alors Lacaille, qui est un nouveau commentaire. Je vais visiter la Beauce cet été avec la petite famille, à part le Miller Zoo. Y a-t-il un petit coin secret ou un incontournable selon Papa Cassette? Merci, félicitations pour le bon programme. Ah, oh, man, la Beauce, un petit coin secret. Je ne sais pas. Le Miller Zoo, c'est gros, là. Mais, man... T'as même pas un petit micro, là, tu te dis... Ouais, ben, tu sais, si t'es à Frampton, justement, pour le zoo, tu peux arrêter chez Frampton Brass, mais en Beauce, dans, tu sais, mettons Saint-Georges, Saint-Joseph, Sainte-Marie, là, qui sont les 3 plus gros villages, puis il y en a d'autres autour, ça, c'est dedans la vallée, parce que la Beauce est une vallée, mais tu peux vivre en haut de la vallée, tu sais, pas en haut de la côte. Mais, ça fait tellement bourgeois, au-dessus de la vallée. Ah non, c'est l'inverse, je trouve. Mais la Beauce, c'est grand, puis écoute, man, pour être franc, je me suis rendu compte cette semaine que j'ai quitté la Beauce à 17 ans, j'en ai 42. J'ai vécu 3 ans à Sherbrooke, sinon j'ai tout le temps vécu à Montréal. Fait que je suis plus un Montréalais maintenant qu'un Beauceron, si je peux dire, en nombre d'années. Ouais. Puis, tu sais, la Beauce, j'y retourne, bien sûr, mais j'ai pas de... Parce que moi, si tu me demandes qu'est-ce qui est hot en Abitibi en ce moment, je sais pas. Non, je sais pas non plus. Tu sais, j'ai tellement vécu là. Quand j'y retourne, je trouve juste ça beau, tu sais. Je trouve ça plus beau que quand j'étais habitué de vivre là. Je trouvais ça beau quand même, la vallée et tout ça, mais... Les attractions, je ne saurais te dire. Je suis vraiment désolé, j'en ai aucune idée. Faudrait que tu googles ça dans le coin. Qu'est-ce qu'il y a de le fun en bas? C'est la course de camion, là, tu sais, des affaires, la fête du travail, je sais pas. Mais tu sais, pour moi, la base, les souvenirs que j'en ai, c'est juste des parties de tente de gaucho, de fin de semaine, puis la titre. C'est ça que j'ai vécu en Beauce, puis je suis parti. Là, fait que les belles choses de la Beauce, moi, quand j'y vais, je me promène, puis je trouve ça beau. C'est pas mal, juste ça. Fait que c'est ça. Mais non, on a pas d'autres questions, par contre. Ben, pas mal ça, on avait vu d'autres, mais tant pis, c'est pas grave. Ben non, mais regarde, ben. Ah non, attends. Fais ton view 17 mois. Chantal, la chance qui te demande. Qu'est-ce que tu manges pour être belle demain? Là, OK, il faut dire... Chantal, c'est pas une creep qui me connaît pas qui vient d'écrire ça. Elle fait partenaire avec moi au Geekette. C'est une Geekette avec moi. Fait que Chantal, tu sais bien que les bons, délicieux repas à François. Ok, oui, il y en a d'autres, c'est ça, je comprends pas. Martine, quel est l'élément que tu as pu apporter à l'entreprise qui a fait la plus grosse différence selon toi? Aussi, y a-t-il quelque chose que tu pensais apporter qui n'a pas fonctionné? Ce que j'ai pu apporter, je pense, j'ai fait beaucoup d'améliorations de processus là, dans mes premiers mois. Ça avait été construit, mais là, il fallait qu'elle soit perfectionnée un petit peu. Là. Fait que j'ai mis de l'ordre dans beaucoup de processus. Je me suis assise avec tous les employés. Je dis, hey, qu'est-ce qui vous gosse? Dites-moi tout ce qui vous gosse. Là, puis je vais partir de là. Puis, tu sais, c'était beaucoup des trucs. Informatique, là, tout ça, là, à régler, fait que... Ben ça, pour faire une petite parenthèse, les employés, d'ailleurs, tu prends vraiment beaucoup de temps avec eux autres, chose que nous autres, on prenait pas le temps de faire parce qu'on avait la tête dans le cul, puis ça grossit vite, puis on a du temps comment... Mais c'est la gestion des ressources humaines, c'est quelque chose que que tu as apporté ici, qui a fait vraiment du bien, là, juste... Ben, oui, oui, vraiment, tu sais, comme rencontrer les employés, vraiment leurs besoins, puis tout ça. Puis, puis on en a plus des employés maintenant aussi, fait que pour nous, c'était quelque chose qu'on faisait pas bien, ou trop peu, en fait. Et puis, c'est une grosse lacune là, de combler, tu sais. Puis vraiment, tu vas beaucoup en magasin aussi, puis tu t'assures que tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Tu prends ton bureau, le monde va dans ton bureau se confier, quand ils ont besoin de se confier, ils t'écrivent, tout. Fait que, ils ont quelqu'un... Les employés, même, nous autres, on les traite pas, tu sais. Ils ont peur des boss, on dirait. Je peux-tu parler? Je peux-tu parler à Don? Je peux-tu... Oui, n'importe quand, mais ils n'ont pas le réflexe de le faire, tu sais. Fait que depuis, parce qu'ils ont peur, ou ils veulent pas déranger, ou ils, tu sais. Pourtant, on les traite pas de, je trouve, mais en tout cas. Fait que c'est un réflexe, un boss, tu sais, c'est comme, ça a une certaine, c'est comme au-dessus, fait que le monde n'ose pas toujours. Mais il devrait. Mais là, vu que Martine est là, ben là, ça, voilà, t'es devenu... Ouais. Ben, c'est ce que j'aime le plus faire en tant que gestionnaire aussi, m'occuper des gens. Fait que ça, tous les processus aussi, j'ai bien du fun à changer ça. Quelque chose que tu pensais apporter qui n'a pas fonctionné. Ça, là, c'est tout ce qui était la gestion de rapports. Parce que comme je disais, j'étais plutôt avec des plans financiers à la semaine, puis qu'on suit, puis qu'on réajuste. Mais là, notre comptable, là, c'est pas à l'interne. Là. C'est pas quelqu'un. Je suis habituée que j'ouvre mes affaires puis tout est à jour. Tu sais, comme tous les jours, t'as tous les chiffres que t'as besoin puis toutes les stats. Les ventes, les ci, les ça. Mais de tout. Mais tu sais, le système informatique qu'on a, je veux dire, ça n'a même pas toutes les informations que j'ai besoin. Je peux pas cliquer sur un piton tous les rapports. Tu sais, y a pas une équipe IT, y a pas une équipe. tu sais, fait que c'est ça. Fait que je pensais apporter différents outils financiers. Puis j'ai bien compris rapidement que je pouvais pas aller là. Quand on sera plus gros, on aura un meilleur système informatique et une comptable. Oui, à l'interne, parce que notre comptabilité se fait faire à l'externe, puis eux autres ne sont pas toujours disponibles parce qu'ils ont plein de firmes comme nous autres qui gèrent, tu sais. Fait que. C'est ça. Fait que c'est je pense que c'est ce que je pensais apporter qui n'a pas fonctionné. Il y a ça. Fait que je me dépouille. C'est pas que ça n'a pas fonctionné. C'est juste qu'on peut pas l'activer parce qu'on est trop petit. Là, c'est quelque chose qui malheureusement qui n'est pas encore disponible pour que tu exploites. Faut qu'on soit plus gros. Ouais. Mais je me fais quelques petits outils là, avec une petite base. Mais c'est ça. Fait que mes rêves ont été un petit peu éteints à ce niveau-là. Ouais, c'est un défi! Et puis, il y avait une deuxième question, Larry. Comment tu entrevois des subsets, pas des séries sur Switch que tu voudrais compléter, genre tous les jeux de Devolver, mettons? Non, j'ai la Switch, j'en accumule beaucoup parce qu'on a un magasin et parce que c'est à ma portée. Mais si j'avais pas de magasin et qu'il fallait que j'achète chacun de ces jeux Switch-là, plein prix, un par un, c'est clair que je ferais des choix là-dedans. T'sais. Là, je prends des guests comme OK, celui-là va prendre, puis on verra. Mais non, puis non, je veux pas me fixer des objectifs en plus. T'sais, moi, la Switch, c'est genre tout ce qui est bon. De toute façon, t'as même pas fini Super NES. Non, c'est ça. Puis ça va être long, le Super NES. Puis j'ai comme plus de plaisir à peaufiner le Super NES puis le NES que de me donner d'autres défis dans d'autres consoles, tu sais. Puis même Super NES, là, ça a l'air de rien. Puis il y a deux défis qui arrivent, qui vont venir quand le set va être fini ou que je peux déjà commencer à regarder. Les bacs qui sont pas beaux, que je note un par un dans mon application. Ah, tes notes dans ton app, en oui, plus. J'ai une liste bac pas beau, je les coche comme ben ça, voyons, je peux okay. Faire popper la liste, puis je pourrais toutes les amener ici, puis à chaque fois qu'on a des jeux Super NES qui arrivent, switcher les bacs pour me faire des beaux. Mais c'est tellement de travail. Tu mets-tu le code du bac aussi? Je devrais, je sais, mais non, c'est ça. Fait qu'il faut faire attention. Puis là, tu vois, ça, c'est un je me bats avec moi-même, puis comme la nuit, je suis c'est pas un vrai bac de ce vrai jeu-là, c'est pas supposé être lui. Fait que ça, c'est un débat que j'ai avec moi-même si j'étais en train de tout, genre, Frankensteiner ma collection. Non, fais pas ça. Mais des fois, les bacs sont dégueulasses, tu sais. Mais attends, ça, différent. Mais le code, c'est juste le petit punch de... C'est rien en même temps, là, mais en tout cas, je me questionne là-dessus. Et aussi les jeux Mexico-Japan, parce qu'il y en a qui sont faits au Mexique, puis il y en a qui sont faits au Japon, et des fois, il y a les deux. Fait que, bien sûr, on veut tout le temps Japan, parce que quand il y a les deux, parce que c'est sorti en premier. Et puis, parce que c'est des second print, les Mexicains. Puis non, je ne ferai pas un subset de juste les Mexicains. Puis je veux pas faire de subset de Player's Choice. Je les inclus pas, le Player's Choice, là-dedans. Je les veux pas. Fait que c'est ça. J'ai un masse de travail à ce niveau-là. Simon Faubert, t'expliquer pourquoi tu dois absolument enchaîner avec Donkey Kong Country 2, qui est un pur chef-d'œuvre. Donc, c'est toi qu'il faut qu'il m'explique ça. Ben, je sais pas, est-ce que c'est une question? Mais pourquoi? Parce que, premièrement, les habiletés de Dixie de vol sont vraiment intéressantes. À vol, elle, là, dans les airs. Mais à plane. Non, mais c'est un peu comme dans Case. Ouais, c'est ça. C'est qu'au lieu d'être les oreilles, c'est avec ses cheveux. Là, ben, avec à plane, donc là, ça te permet d'atteindre des tonneaux et des secrets. Les niveaux sont un peu plus difficiles. Ah ouais, ok. La musique est meilleure. Plus long les niveaux ou... Mais puis il y en a aussi des verticaux. Parce que, ok. Parce que moins dans... Ben, y en a... dans le... Ah non, des fois y tu en montes un petit peu. Ouais, ouais. Mais le jeu il est plus complet, le platforming est plus tight. T'sais, ça paraît que c'est une version améliorée. Là. Bon, toi tu vas moins aimer le fait qu'il y a des secrets. Là. Ben non, j'aime ça, les secrets. Là, mais là. Sauf que... Ça n'en prend en fait. Là. Mais la différence c'est que dans le 1, si tu fais juste trouver le secret, même si tu réussis pas le défi, ça compte dans le pourcentage. Tandis que dans le 2, il faut que tu réussisses le défi. Fait que, mettons, tu rentres dans un baril, puis là, c'est, mettons, attraper 50 étoiles. Mais si t'as si tu réussis pas, là, ça compte pas dans ton pourcentage. Puis là, je te dis, tout ça, c'est un peu moins toi, là. Ben, c'est faute de temps. Puis il faut que tu trouves les grosses pièces geekées aussi, mais il y a plus de variété. Les personnages, ils se contrôlent mieux. La musique est vraiment, vraiment, vraiment hot. Ouais. Ben, on va faire ça. Je vais partir une game de ça, puis je suis supposé faire ça chez notre ami Phil Tremblay, là, qui... Et puis whatever, moi j'ai ma cartouche, fait que je peux amener ça chez mes amis, comme quand j'étais petit, puis avancer ma game d'une place en place, tu sais. Fait que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec ça. Mais pour vrai, là maintenant, je pense qu'il y en a plus. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que, ouais, c'est ça. C'est Facebook, hein, je cliquais sur tous les commentaires, puis ça les mettait pas toutes. Fait que j'ai fait Most Recent, puis là, voilà. Je peux faire un petit refresh d'un coup, que quelqu'un a écrit quelque chose, un petit dernier, là. Donc, US. Non, c'était David alors. Fait que voilà. Mais ben, on a tout couvert, pas mal, je pense. Vraiment, vraiment. Ben oui, c'est un long show. T'as même pas baillé. T'es même pas étiré, t'as pas baillé. C'est vrai que je peux pas étirer. C'est pas un vrai papa cassette podcast. Ouais, ben je peux m'étirer un peu. C'est pour vrai, ça fait du bien. Je me tire toujours, c'est vrai, quand tu viens dans mon bureau, là, parce que je concentrais mon ordi, là tu vas parler, là je décolle mon ordi, puis là mon corps, je me tire tout le temps, c'est vraiment comme un réflexe, comme un chat. Un chat effoiré qui s'étire. Mais à l'envers, parce qu'un chat s'étire dans l'autre. Ah, c'est ça, moi c'est mon dos, mon vieux, vieux dos. Mais, ben écoute, merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. D'être venu, c'était bien le fun. Et puis, on verra si j'aurai d'autres invités éventuellement. Tu reviendras, là, si on s'obstine sur autre chose. Ça fera un sujet. Quand ça en sera un autre défi chaud. Exactement. Fait que, ben, merci à tous d'avoir été présents. Et puis, ben, veux-tu, quoi plugger, les geekettes? Ben non, on l'a dit en début de show, les geekettes, c'est à peu près une fois par mois. En juillet, on sortira pas d'épisode parce qu'on va être au Comic-Con. Fait que, on va avoir un show live au Comic-Con, mais on sait pas encore l'horaire. Donc, on sait pas si on va être là le samedi ou le dimanche. Donc, stay tuned, mais ça sera ça l'épisode de juillet, parce qu'on est plusieurs geekettes en vacances. Bon, ben voilà. Alors, sinon, ben, venez nous voir chez Retro MTL et puis achetez des cassettes, là! Fait que merci à tous et puis à bientôt! Ciao! Oh my god, on n'avait pas fini! On a vraiment arrêté. Puis là, on a oublié quelque chose de très important. Ben, explique-le, Martine. Ouais, ben, t'en avais parlé au dernier épisode. C'est que là, on a fait beaucoup d'entrevues dernièrement. Puis, je disais à Dominique que ma question préférée d'entrevue, elle manquait. C'est parce que là, on fait des postes de commis magasin. Puis, c'est pas vraiment applicable. Mais quand j'embauchais des analystes de produits, c'est une question qu'on posait, que ça nous permettait de voir plein de choses. T'sais, on pouvait voir comment ils réagissent sous stress avec une question out of the blue. Parce que quand tu vas en entrevue, tu penses aux questions comme de base, là, tu pratiques, là, ton expérience de travail, tu vas faire là, tu sais. Ouais. Ça nous permettait de voir ça, mais aussi surtout comment la personne pense. Est-ce qu'elle pense outside the box ou pas? Puis moi, il y avait, tu sais, c'est pas vraiment important la réponse au final, mais c'était surtout comment la personne réagissait. Mais moi, il y avait une affaire là, que si tu répondais pas correctement, là, j'hésitais à t'embaucher. Mais là, t'as un esprit très créatif. Oui. Fait que j'ai hâte de voir si tu vas aller dans ce que peu d'analystes, parce que je dirais à peu près 90% des gens nous donnaient la même réponse. Parce que t'engageais que des analystes. Que des analystes. Mais toi qui es très créatif, j'ai hâte de voir si tu vas être dans le 5% qui répondait l'autre partie de la réponse. Puis là, c'est-tu un test, ça, connu, tu sais? Non. Non, mais dans le sens, vous l'avez inventé chez... Moi, c'est comme le vice-président qui me l'avait posé, puis je pense que lui, il l'avait inventé. Ah, il l'a inventé, OK. Ils sont pas ça des livres de non, gestion, c'est pas enseigné dans les écoles, non. Ça. OK, OK. Fait que c'est un test vraiment. OK. Mais pour voir quoi, à la fin, si j'ai un esprit critique? Ben juste voir c'est comment tu réfléchis. Tu sais, il y en a qui réfléchissent plus, tu petit, puis après ils vont gros. Il y en a qui pensent gros, après ils vont petit. OK. Mais tu vois, regarde, okay. On l'essaye, là. Puis là, est-ce que le monde veut le savoir? Je vais-tu me ridiculiser avec ça, là? Ben moi, je pense vraiment que tu vas bien faire. Fait OK. Mais je pourrais me ridiculiser, tu là. Tu pourrais, mais bon. Je pense pas que ça va. Il y en a qui seront peut-être contents quand je passe pour un ridicule. Mais... Puis là, en plus, pour ajouter un peu de pression, je vais te faire à Joe, puis il a bien répondu. Oh my God, c'est stressant. Il y a comme une petite compétition, là. OK. Donc, là, c'est important. Tu sais, pense qu'on est sur une île déserte, là, où on fait juste jaser de même, là. T'as pas accès à Internet, t'as pas accès à rien. Tu sais, tu peux pas me dire, je vais googler la réponse, là, comme moi. C'est pas ça que je veux, là. Ça, on s'en fout. On veut juste, on discute, OK? D'accord. Puis là, je te demande, combien de pneus s'est vendu au Canada l'an passé, selon toi? Puis là, je veux pas un chiffre, je veux pas que tu me dises genre 1 million. Bon, comment on pourrait arriver à un chiffre? Comme, où est-ce qu'on part pour se dire à peu près combien de pneus s'est vendu au Canada l'année passée? Il faudrait déterminer combien il y a d'auto au Canada. Pour savoir ça, il faudrait déterminer combien il y a d'habitants au Canada. Et puis après ça, on check combien il y a de voitures par habitant à peu près. En campagne, tout le monde a deux voitures campagne, à l'extérieur de Montréal. Là, je ne veux pas insulter les gens qui habitent pas à Montréal, l'île fantastique, bien sûr. Mais à l'extérieur de Montréal, tout le monde a une ou deux voitures. À Montréal, tout le monde a une ou pas de voiture. Fait que je trouve que ça balance. Donc, on pourrait se dire que la population a en moyenne une voiture au pays. Donc, il faudrait trouver la population du Canada puis faire x4. Pour avoir 4 pneus. Ah non! Attends, c'est-tu des pneus d'hiver ou des pneus d'été? C'est combien de pneus s'est vendu au Canada? OK. Bon, fait qu'on prend... Puis des pneus, on change pas ça à chaque année. On n'en achète pas à chaque année. On en achète... Moi, j'ai un char. En fait, j'en achète jamais. C'est venu avec mon char. Mais on peut dire que pour la longévité d'un char, les gens achètent... Mais là, y a-t-il des pneus d'hiver et des pneus d'été? Faut que je tienne compte de ça aussi. Ben oui, parce que c'est les pneus. On les pneus. Combien de pneus? OK, bon. Tout le monde a besoin de 2 sets de pneus par char. Tout le monde partout au Canada? Oui, tout le monde a besoin de pneus d'hiver au Canada. Il y a de la neige partout. C'est... Je sais pas. À London, Ontario, je sais pas moi s'ils ont de la neige. Ben, ils doivent en avoir assez pour avoir des pneus d'hiver ou des fucking pneus 4 saisons. De toute façon, je veux pas t'influencer, là. C'est correct. Là. Tout le monde a des pneus d'hiver, des pneus d'été, mettons. Ouais, moi je dirais ça. Puis, fait que... Mais par contre, t'en achètes pas à chaque année, bien sûr. T'en achètes exact. Une fois dans la... Dans... Moi, là, j'achète jamais de pneus. Là. Ça vient avec mon char, tu sais. Mais oui. Une fois par vie de char. Si je t'offre mon char neuf, des contrats de 5 ans, un char usagé, t'achètes deux... Au 5 ans, t'achètes des pneus. Fait que, on va dire, à chaque 5 ans, t'as besoin d'un set de pneus. Fait que la population du Canada, à chaque 5 ans, achète des 4 pneus. OK. C'est ça, je dirais. OK. T'as-tu autre chose que tu pourrais penser? Par rapport à ça? Non, oui, par rapport à la question de combien de pneus s'est vendu au Canada l'an passé. Ben, il s'en serait vendu... OK, attends, oui, c'est vrai. Mais je pas faire un chiffre. Non, non, c'est ça, faut faire une moyenne. Là. C'est pas tout le monde qui change tous ses pneus à chaque 5 ans, tu sais. Fait que faut diviser ça, faut faire une moyenne. Ah, c'est compliqué, là. J'ai pas un esprit de Non, mais le chiffre est pas important, là. Non, mais je veux dire, quelle formule, tu sais, c'est ça, là. Ah, la résolution de problème, c'est ma bête noire. Mais, OK. Fait que là, à chaque année, combien il s'en vend au Canada? Si... Caroline, rendu là, je sais pas. OK. Il faut... Il n'y a pas d'autres questions, là. C'est ça, le test. Hein? Oui, c'est okay. Ça le test. Fait que ça serait ta réponse finale. Là. Tu... Mettons là, que tu prends 30 secondes là, pour réfléchir. Là. Tu vois-tu autre chose? Ben, il faudrait que je fasse une moyenne là, d'années versus là, combien de fois on change nos pneus. Là. Mais si je vois d'autres choses... Ouais. Combien de pneus vendus au Canada? Mais oui, moi je pensais que le créatif en toi avait vu autre chose. Tu vois, je suis pas si créatif que ça sur les questions de main. Mais là, regarde, faut dire, déjà en partant, t'as répondu extrêmement rapidement. Ça, c'est rare. Les gens, généralement, là, comme ils freeze. Ben, c'est sûr que t'es pas en entrevue non plus. Mais j'aurais répondu pareil en entrevue. Mais les gens, généralement, ils freeze, puis ça prend une bonne minute là, avant qu'ils commencent, puis comme qu'ils vont pas, ils vont pas tout de suite. Puis là, ils freeze sur la population, parce que là, t'enlèves les enfants, là, t'enlèves. Mais, tu sais, ça bloque. Là. Ils sont comme, mais je peux pas aller sur Internet, je vais à la bibliothèque. Non, non, là, comme ça. Fait que ta vitesse de réponse à eux, okay. T'as eu la réponse classique, 90% des gens, à peu près, c'est ce qu'ils répondent. Les gens que j'embauche pas, c'est ceux qui me disent pas x4 pneus. OK. ça me gosse. C'est comme, le nombre de chars, OK, mais Chris, y a pas un pneu sur un char. Exactement. Ça me gosse. Mais c'est vrai que j'ai pas tenu compte des enfants, mais en tout cas. Les gens qui pensent plus à l'extérieur vont me dire « Ouais, mais il y a des pneus, c'est vélo, il y a des pneus, c'est motocross, il y a des pneus, c'est quatre roues, il y a des pneus... » Fait que là, c'est comme... Il y a des pneus sur les autobus, il y a des pneus sur les avions, il y a des pneus... Fait que là ça... Des... Mais tu vois, moi, je sur pense... les lifts en usine. Ben oui, mais c'est ça. Mais là, moi, je pensais que t'allais aller là, tu sais. Et là, moi, où est-ce que là, je vais être comme « Ça y est, j'aurai pas la job. » Mais finalement, je l'ai eu pareil. C'est quand le VP a dit, OK, puis tu fais quoi du transport commercial? Il y en a maudit, là, des pneus sur des vannes. Puis ouais. Eux autres, ils roulent bien plus. Il y a bien plus de vannes que de population au Canada. Fait que. Mais finalement, j'ai lu pareil la job. Là. Oui. Mais le transport commercial, pour vrai, je pense qu'il y a une personne en 5 ans de gestionnaire qui est allé jusque-là dans sa réponse. Oui, mais dans sa réponse, la personne dit « Fait voici pour les familles. Là, maintenant, ouais. Parlons du transport commercial. Ouais. Et maintenant, parlons des vélos. Ouais. » Ouais, ça m'est arrivé une seule fois de voir ça en entrevue. J'étais comme « OK, wow, cette personne-là, son sens, l'analyse, puis penser à l'extérieur. » Parce qu'on dirait qu'une fois que tu te mets à penser à la voiture, tu décroches pas. Puis justement, tu décrochais pas non plus la voiture. Ah, j'étais pogné dans le char, moi, là. C'est clair. Ah, ça a toujours été ma question préférée d'entrevue. Ça m'en dit beaucoup sur la personne. Ouais, c'est ça. Je suis plate, finalement. Mais. Mais ta rapidité d'esprit est excellente. Mais tout le monde, c'est ça. C'est passé, en même temps, c'est notre vie, hein, c'est notre quotidien. Pour ceux qui sont. Si j'avais été camionneur, certainement que j'aurais pensé au transport. Comme, mais là, on est des simples humains avec des chars. Fait que le réflexe, quoique j'ai un vélo. Mais ouais, ça m'est pas venu, en effet. Mais là, j'avais quelqu'un justement qui me disait ça, et comme, ben là, j'ai pas de voiture, là, je sais pas comment répondre à cette question-là. Puis là, comme, ah! Non, t'as pas besoin d'avoir de voiture. Mais pour là, répondre c'est à ça. Puis là, après, là, elle a fait comme, ah, mais j'ai pas de voiture, mais j'ai un vélo. Puis là, elle, après ça, est allée justement dans ces pneus-là. Non, c'est fascinant. Mais tu vois, c'est ça, comment on peut appliquer ça ici, là, chez Retro MTL, là, tu sais. Peut-être qu'il faut, tu sais, c'est ça, c'est comme, ah, les cassettes, tu sais, faut penser à d'autres affaires. Exact. Fait que, mais puis aussi, on s'est déjà fait prendre, il y avait quelqu'un qui travaille, il a déjà travaillé pour une entreprise de pneus, tu sais. Fait qu'il est comme 36 815 parce qu'on a 15% des parts de marché. Comment qu'il demande? C'est-tu que c'est grave? D'autres questions? Stupide! Fait que c'est ça. Fait que lui aussi, on n'a pas été capable de le faire avancer dans le processus parce qu'il était juste comme, mais non, mais c'est ça le nombre de pneus qu'on vend au Canada par année. J'avoue. Wow. C'est hot. Ah ben, coudon. C'est intéressant. C'était une belle invention de ton ex-VP. Fait que appliquez-le à la maison. Faites passer ce test-là à vos proches et amis, voir s'ils sont d'intéressants gestionnaires, planificateurs de pneus. Fait que voilà. Là, c'est vrai. Bye! Bye!